émission de radio. Vous avez la Mécodine avec vous en. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Ce serait celle de Mickaël et sa bande de malades. Je veux Mickaël. Non. Mickaël. Le remède le plus efficace à tous tes problèmes de santé mentale. Et on est là même un jour férié. Oui, c'est ouais. Beau. Ah, c'est beau. Bah ouais, moi, je pense qu'on peut se féliciter. Ah, bah, j'ai surtout mis 5 heures pour arriver à la radio. Hein. C'était... Ah, ouais, t'étais dans les retours, toi. Ouais, j'ai oublié cet âge. Je me dis, oh, ça va, c'est férié aujourd'hui, il n'y aura personne. C'est ah, mais tu savais que c'était férié, toi? Ah oui, j'y ai pensé, mais trop tard pour prendre congé. Ah ouais, ben non, parce que moi je suis arrivé ce matin, cet après-midi je voulais aller à la FNAC et je suis... Ah, ben c'est fermé. Ah ouais, mais moi j'y ai pensé, mais trop tard. Sinon on aurait pris congé aussi, mais bon. De toute façon, en même temps, vous savez que les jours fériés, on est là, puisque à chaque fois on oublie qu'il y a congé, enfin, que c'est férié, donc du coup on se fait baiser. Ouais, parce que jamais à la direction, ils vont me dire, au fait, lundi c'est férié, ouais. Vous croyez ou pas? Bah, non, ça non. Non, bon, enfin bon, c'est pas grave. Bon, en tout cas, Jack n'est pas là, malheureusement, il fait un hachis parmentier. Ah, hachis parmentier, c'est pas terrible, hein, je ouais, pas... On l'a connu meilleur. Ouais, ouais, ouais, je si sais. Si c'est fait maison, c'est doit voir, être dur hein. À faire. Hein. Bah, faut voir. J'ai faut raté voir. Une omelette ce week-end. Ah oui, alors c'est très très dur. Hein, puis, elle a fait participer tout le monde. Très très dur. Ah oui, une omelette, c'est rude. C'est dur à faire. C'est dur à retourner. Bon, en tout cas, le roux va bien, lui, puisqu'il mange. Victoire de Paris. Non, ouais, le nom des victoires. Hein. Ouais, d'accord. Attends, tu rigoles quoi? Ah non, c'était quasiment une victoire. C'était ah beau. Bah tu nul, tu fais la fête quoi. Ah bah c'est ça, t'as bu? Non. Ah non, bon putain, le match c'était chiant. Bah, ils ont bien but quand même. À chaque fois qu'ils vont au CER, c'est relou. Tous les matchs au CER, ils sont relous. Ah, parce que je me souviens d'une époque où t'étais un Warrior, t'allais jusque là-bas. Ah ouais, mais c'était à l'époque ça. À l'époque, ouais, où, à l'époque où il y avait plus de chances d'avoir un nul. Ouais, c'est une défaite. Enfin bon. Bon, Tov va bien aussi? Tov va très bien. Combien? Bah, pas beaucoup, non, le week-end a été rude, hein. j'ai galéré. Vacances, le week-end. Bah, justement, c'est ça, elles sont toutes parties en vacances. Ah ouais, bah, c'est ça, la zone B, ça m'a pas aidé. Ouais, bah, j'imagine bien. Bon, Pedro va bien aussi en pleine forme. Oui, ça va, très bien, merci. Bon, tant mieux. Bah, tout le monde est là ce soir, ça fait plaisir, hein. Enfin, ouais, oui. Jack avec le hachis parmentier. Si vous avez des conseils pour le hachis parmentier, il est en plein dedans, là, donc, n'hésitez pas. 612, débuté par énergie ou sur emmickaël.fr. Voilà, au niveau, du son, on en mettra, bien sûr, spécial Nirvana dans toute la semaine, puisque c'est aujourd'hui. Eh oui, c'est aujourd'hui, ça fait 16 ans que Kurt Cobain se donnait la mort. Bah, le 6... 5. C'est le 5 aujourd'hui. Donc le 5 avril, ouais, c'est... Ah oui. C'est ouais, je sais, ouais. Mais, c'est ouais, dur, c'est hein. Dur. Ouais, je comprends. D'ailleurs, le roule même plus, hein, tellement il est triste. Moi, bon, j'en ai rien à foutre, pour tout le monde. Avec tout le respect que j'ai pour lui. Bon, ce soir, on filera des Xbox 360 Elite ou alors des baladeurs MP3 16Go. On a également des places pour Remember Me à vous filer, places de ciné, bien évidemment. On a les albums, les bandes originales de Remember Me, des places encore pour aller voir Alice au Pays des Merveilles, des jeux vidéo sur DS Alice au Pays des Merveilles. Et puis, on a aussi, et ça, c'est plutôt pas mal, les coffrets de la trilogie en Blu-ray. Trilogie du Seigneur des Anneaux. Voilà, on filera ça tout à l'heure. Il y aura aussi Twilight, bien sûr, à l'honneur, chapitre 2, qui est sorti depuis le 24 mars en DVD. On vous filera l'édition simple ou l'édition collector de DVD ou encore le coffret DVD Twilight, chapitre 1 et 2. Voilà, comme ça, vous savez d'où. Dites-nous si vous avez fait la chasse aux œufs aujourd'hui. C'est Blair. Voilà. Mais nous, on fera, hein. Ah bon? Ah bah c'est Blair, donc on va... Ah, t'as vu? Ah bon? Hein, en parlant d'omelette, hein, c'est du chocolat ou moi j'espère que vous avez prévu. Oui, j'ai même le cadeau pour le gagnant, un énorme œuf en chocolat. Oh, bah on a qu'à le faire péter et partager, non? Ah bah non, non, non. On bah est non, sûr non. De tous en avoir comme ça. Bah c'est bien, si tu gagnes, tu partageras. Non. Ah, tu vois comment t'es. Non, on se met d'accord sur les règles avant. Oui, bah oui, avant même d'un jeu entre nous, il faut qu'on triche. C'est dingue quand même. Bon, voilà, il y aura le gros œuf au chocolat à gagner tout à l'heure. Donc, on fera un petit jeu, bien sûr, à base de... D'œuf. Oui, à base d'œuf, bien sûr. Ah, à base d'œuf, plutôt. Mais surtout à base d'expression du jour. Oui. Voilà, qu'on avait fait il y a quelques semaines. Un petit retour. Un vendredi, voilà, c'est ça. C'est un petit retour. Bon, ce soir, donc, comme je disais, les cadeaux, la musique. Donc, Nirvana, on mettra aussi Remedy P&R avec No Superstar. Il y aura Michael Bublé aussi. Il y aura Cheryl Cole. Et on mettra aussi du David Guetta. Si vous avez des sons à proposer d'ailleurs, surtout, n'hésitez pas. Vous tapez, bien sûr, emmickaël.fr. Ou alors, vous allez sur le 612 en débutant votre message par énergie. D'ailleurs, sur emmickaël.fr, dans la communauté, c'est-à-dire sur le groupe Facebook ou sur Twitter, on salue du monde. Il y a Laetitia qui est dessus, il y a Marine, il y a Alexandre, il y a Angélique, il y a Serena, il y a Antoine, il y a qui d'autre, Malo, il y a Mégane, Alexandre, Mickaël, Victor, Arthur, Antoine et tous les autres. Mickaël.fr, on est plus de 52 000 et ça fait plaisir. Mickaël.fr, cliquez sur la communauté. Voilà. Et puis au niveau du répondeur, on va se le faire. Hein. Allez. Dernière semaine peut-être du répondeur. On réécoute de nouveau pour voir. Allez, c'est parti. Pour écouter vos messages, pressez le 1. salut Lelou. J'appelle pas pour passer un coup de gueule, mais plutôt pour répondre au coup de gueule des auditeurs, sachant qu'il y a trop de pubs, trop de musique et pas assez d'émissions. Alors moi, j'ai trouvé la solution, c'est les podcasts. Je vous écoute souvent sur les podcasts, et donc le must sur les podcasts, c'est que pas de pub, pas de musique, 100% émission. Et quand Sandro parle trop, ben j'avance quoi. Voilà. Fin du message. Message suivant. Ouais, salut Énergie. C'est pour vous dire un truc. Si jamais vous faites un bon Scarc Game, si vous pourrez mettre taf à quelques décharges, parce que je ne sens pas trop pleurer. Ouais, salut. Fin du message. Message suivant. Oui, Michael, c'est Monsieur Y. C'est pour faire un coup de gueule. Tu savais que vous êtes une bande d'enculés, connard. Fin du message. Message suivant. Bonsoir à Michael. Toute l'équipe, je vais juste vous dire de continuer comme vous faites, parce que j'écoute tout le temps votre radio tous les soirs. Et voilà, je vais vous dire qu'elle était satisfaite. Donc, continuez ce que vous faites et bravo. Voilà. Bonjour, au revoir. Un message de courage. Nouveau message. C'est gentil. Je suis satisfaite de l'émission, donc je vous appelle pour vous le dire. Et écoute, on est ravis que tu sois satisfaite. Bah oui, il y a au moins une personne qui est satisfaite et ça, c'est bien. Exactement. Bon, continuez les autres. Hein. Bon, répondeur, ça, le premier était drôle. Ouais, t'es d'ailleurs, sympa. On fera gagner celui-là parce que c'est vrai que ça fait tellement longtemps qu'on offre plus de cadeaux pour le répondeur qu'on en oublie qu'effectivement il y a des cadeaux à gagner. Donc, Michel, on fait gagner le premier. Ouais, très bien. Il a passé un bon week-end en Normandie ? Non, t'entends mal, Micha. Bon, enfin, allume ton micro. C'est que ça. Ouais. Oh là là, bon, alors quoi ? Je vais aller chercher les autres packs. T'as été chercher entre les vaches. Packs. Entre les vaches. T'en as trouvé ? Oui, j'en ai trouvé. Oui. J'ai cherché longtemps, mais j'en ai trouvé. Dans ton caleçon, t'as cherché ? Non, dans mon jardin. Ah, apparemment, elle se propose de venir regarder s'il y a des œufs. S'il y a des bah, viens. Non, je sais qu'il y en a deux. Ah, il y en a deux. T'étais vraiment en Normandie, là ? Oui, j'étais en Normandie. Ah, ouais, pas quoi. Pourquoi t'as pas trop bronzé le nez, plus que d'habitude. Bon, dites-nous si vous avez fait, ce que vous avez fait pour ce long week-end. On va en parler ce soir, bien évidemment. Et puis, alors ça fait plaisir. Merci d'ailleurs, attends, je retrouve son prénom, à Maxime, qui m'a envoyé un problème du forum du jour. On est au top. Ah, on est vraiment au top. Alors, je vous l'aurais bien lu. Malheureusement, pas tout de suite. Oui, mais malheureusement, je n'ai plus internet, donc je n'arrive plus à aller sur la page du forum. Ah, c'est dommage. Mais rassurez-vous, vous pouvez déjà donner vos avis, puisque le titre du forum, enfin du merdier là, c'est comment bien se branler. Et donc, et alors il y a la question, je vais pas rentrer dans le détail, mais comment faire, blablabla, j'aimerais savoir les meilleurs plans. Et c'est surtout toutes les réponses qui sont drôles et surtout les conseils. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui ont des conseils pour se branler. Ah oui. Alors il y a des grands professionnels qui parlent, hein, donc voilà. Donc je vais. C'est un garçon qui demande ça ? Je sais pas. En fait, j'en sais rien. Oui, a priori, hein, mais je sais pas. Comme je te dis, j'ai plus internet, donc je ne sais pas trop. Mais on va aller rebooter internet et puis je propose qu'on reboote internet. On met un petit peu sur maintenant. Remedy PNR. Ce soir, c'est le grand retour d'une star. Le grand retour d'une star ? Ouais. On avait eu déjà dans l'émission d'ailleurs. On exclut, il est passé que chez nous. Ah bon ? C'est ah normal. Oui, oh putain, qui suis-je ah bête, oui, putain, je... ça faut... Oh là là là. Bon, on remet un petit extrait de l'ancien ou vous voulez garder le teasing ? Non, ouais. Un petit extrait de l'ancien quand même. Allez, un petit extrait de l'ancien. Alors écoutez bien, il revient aujourd'hui avec un morceau encore plus fort. C'est The New Single. Yeah, The New One. Cœur sans l'amour, jardin sans fleurs. J'ai tant de sang. Alors on s'était un peu emballé à l'époque, parce qu'il venait de sortir le morceau Alison, je vais vous mettre celui-là, hop là. Je peux pas changer ma vie, Alison. Et donc il venait à peine de sortir celui-là, on en avait trouvé un autre, on avait déjà dit que c'était un nouveau, mais le son était mauvais, mais en fait c'était pas vraiment un nouveau. Mais là nous avons vraiment le nouveau. Je crois qu'il a fait un nouvel album là. Ouais, exactement, et ça c'est beau. Ah, c'est le premier single en exclu là. Et là, je n'ai plus le refrain. Tu sors avec bah merde, on me l'a enlevé. Tu m'as dit pas ça. Ah ouais, ça, il est parti faire. Avec nouvel amour de toi. Le pire, c'est que tu la connais pas. Ah ouais, mais écoute à fond. Hein. J'adore. Hein. Ah ouais. J'aurais kiffé qu'il rentre dans la prog énergie. Ouais. Bah, il a sa place. Non, hein. Ah non, mais de toute façon, j'ai déjà dit à la radio, hein, c'est Wally Blue, moi. Ça, c'est... Et ton choisi apparemment. Non, je finis demain. Je vais te laisser un peu plus de temps quand même. Voilà. Bon allez, Remedy PNR maintenant avec nos superstars et puis nouveau single de Walid tout à l'heure. Et puis on se mettra aussi d'ailleurs le nouveau son de la parodie qu'on n'avait pas mis vendredi en plus d'ailleurs. On va la remettre ce soir. Nouveau son de la parodie sur Jay-Z. On mettra ça tout à l'heure avant midnight. Restez là. Voilà le son de Remedy PNR à l'instant, No Superstar sur NRJ. Il y aura donc tout à l'heure, comme je le disais, le nouveau son, la nouvelle parodie de l'émission. Alors, on l'appelle comment finalement, parce qu'on n'a toujours pas trouvé le nom. Bienvenue à Paris. Paris State of Mind, ça c'était le nom provisoire. Donc bah, après, oui. Non, bah, non, pas, hein. Ça peut être le nom définitif aussi. Paris State of Mind. Je sais ouais. pas. Alors que. Ah, bah, t'as qu'à faire un concours là sur le. Non, on l'a déjà fait, mais il y avait rien qui était ressorti d'exceptionnel. Ah bah oui. Mais c'est après... pour ça que j'avais rien validé dedans. Bah, bienvenue à Paris, ce sera plus facile à prononcer quoi. Ouais, c'est ouais. Ouais, ouais. Bon, welcome to Paris. Ah non, bienvenue à Paris. Mais c'est ça, pourquoi mettre des anglicismes quand il faut pas? Bah, je sais pas, pour faire plaisir au CSA. Ah oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Enfin, pour faire plaisir à la France, tout simplement. Bon, on parle avec Ludivine, qui est là maintenant 25 ans de Saint-Étienne. Comment ça va, Ludivine? Bah, ça va, et vous? Ça va bien, en pleine forme? Ça va, merci. Bon, super. Alors, les Ludivine. Les Stéphanois ont gagné. T'as passé. Ah bon? Je suis pas 2-0. Ah, t'es pas pour le Stéphanois? Pourquoi? Non, désolé, parce que je les aime pas. Ah bon? Ils sont pas très bons joueurs. Non, bah, écoute, ça la mérite. C'est pour qui, toi, moi, hein? Vive l'OL. Ah, vive l'OL, ouais, d'accord. Ah, bah l'OL qui va mieux, là. Oui, l'OL qui va mieux. L'OL qui... Bah, quoi que. Ils ont gagné, là, ce week-end. Oui, ils ont gagné, mais enfin bon. Bordeaux va moins bien, par contre. Mais Lyon, ils sont premiers du championnat. Oui, bah enfin. Ouais, mais ils ont deux matchs de retard, Bordeaux. Ah, bah oui, ouais, c'est ça, ils ont deux matchs d'avance, donc c'est facile aussi. Bah non, mais Lyon, ils sont premiers du championnat. Oui, d'accord, ok. Bon, bref, Ludivine, t'as passé un bon week-end. Alors, ça, c'est encore le truc ringard. Je sais que ça fait 5 ans qu'on est là, ça fait 5 ans qu'on en parle à chaque fois le lundi de Pâques. T'as passé un bon week-end, Pascal? Ah non, on dit pas ça. Bah, disons que oui, quand c'est même. De Pâques. Pour merci à vous. De quoi tu dis? Je dis oui, j'ai passé un très bon week-end, merci à vous. Eh ben écoute, oui, ça va. T'as ramassé les œufs? Non. Ah, d'accord. Donc t'as rien fait par rapport à Pâques? Non, mais heureusement. Bah, heureusement que quand t'as ouais, pu. Enfin, quand tu vis tout seul, moi j'étais toute seule, que j'allais pas me cacher des œufs et après les chercher, quoi. Oh, t'es capable. T'es capable. Ouais, mais c'est différent, elle les cachait pour pas les manger. Voilà, c'est différent. Bon, tu nous appelles pourquoi, Ludivine, toi, à la base? Bah, en fait, j'ai un petit problème, enfin, un problème, façon de parler. En fait, je suis en couple depuis quelques années avec un copain. Ouais. Avec mon copain. Oui, c'est mieux parce que. Comment? Non, parce que si t'avais été avec quelqu'un d'autre en couple, c'était plus compliqué. Oui, donc en fait, je suis en couple et j'ai un petit truc qui me fait super plaisir. Mmh. C'est en fait faire l'amour pendant que j'ai mes règles. Oh, ah bah bravo, bah c'est bien, en plus on parlait des œufs, tout ça, le côté ah bah. Festif, le week-end de Pâques, oui. Et ça t'arrive avec un truc dégueulasse. Bah, c'est la fête, un peu de ketchup et on en parle plus. Non mais franchement c'est super bien, c'est super excitant, ça m'excite. Dégueulasse pour le mec. Mais alors que Laurent est en train de manger là. Non mais ça dérange pas ça. Mais t'es pas la première meuf que j'entends dire ça, parce que moi j'ai eu plein de meufs qui m'ont dit ouais pendant les règles je prends vachement plus mon pied que. Et pareil ouais, c'est vrai que c'est j'ai déjà entendu ça ouais. Bah, c'est vrai, j'en sais rien, j'ai jamais eu mes règles, mais je vais même croire. Ouais. Je trouve que voilà, enfin, je veux dire, nos parois vaginales elles sont plus sensibles quoi, donc. Ouais, voilà, peut-être, quoi. Mais tant. Oh. Ouais, enfin, en même temps, mais le mec. Merci, Ro, pour cette remarque exceptionnelle. Mais le mec, il fait des allers-retours, je vois pas. Tu sais, des fois, tu regardes par exemple si ta capote elle est toujours bien mise ou ouais, ouais. Attention. Mais tu peux pas regarder là, parce que si tu vois. Non, là, j'avoue que c'est assez dégueulasse. Pour peu que la meuf, elle est le. Fais attention à ce que tu as dit. Non, mais pour peu que ça soit un peu liquide, après ça coule sur le côté, quoi. Bon, tu vois, c'est ça qui était dégueulasse. Non, mais par contre, Livine, tu vas me dire un truc. Est-ce que vers la fin des règles, tu sais, où il y a moins de sang, est-ce que sur la fin des règles, tu prends toujours autant ton kiff, ton pied? Parce que si jamais sur la fin des règles ça va, bon, bah à ce moment-là, c'est déjà moins sale, quoi. Non. Oui, mais sans plus. Ouais, je sais pas. Sans plus. Quand t'as tes règles, quand ça fait une. Je suis désolée, tu veux paraître gore, mais. Ah oui, bah là, tu parais pas, hein. Quand ça fait une bonne, bah je trouve que. Bah, mes parents vaginales sont plus sensibles, donc je trouve que quand ils me pénètrent, bah je trouve que c'est plus excitant, ça m'excite plus, je prends deux fois plus mon pied. Tu fais l'amour 7 fois par mois, quoi. Si je pouvais, je le ferais tout le temps. 7 fois par mois, mais d'affilée. Comment? 7 jours sur une semaine, mais qu'une semaine par mois, quoi. Si je pouvais, je ferais voir. Si j'avais mes règles tout le temps, ce serait possible. Oh, mais enfin, c'est un problème de souhaiter avoir ses règles tout le temps. Ça doit être le truc le plus chiant du monde. Mais c'est vraiment un truc. C'est pas la première fois que j'entends ça. Mais moi non plus, mais de là à souhaiter d'avoir ses règles tout le temps. Oh la misère. C'est quand même violent. Enfin, je sais pas, Sandro. Moi, nous, on n'est pas des filles, mais c'est une tanasse quand même. Ah non, je souhaiterais ne plus les avoir. Moi, j'attends la ménopause. Oh, j'attends la ménopause. Ouais, bah ça va prendre pige. Ah non, 20. Ça se rapproche. Ça se rapproche, mais c'est pas maintenant quand même. Ah bah t'as la moitié, hein. Ouais, moitié, ouais. T'as eu tes règles à quel âge? À 15 ans. 15 ans, bah oh, ouais, c'est tard. Ah ouais, mais c'est quasiment la moitié. Te connaissant, hein. J'aurais pensé que ça serait plutôt. 8 ans maintenant. À 8 ans, maintenant, qu'est-ce qui se passe? 14, mais pas avant. Mais t'avais, à quel âge t'avais des gros seins? En CM2 déjà. Ouais, voilà. Ah, déjà, j'avais les œufs au plat, j'avais honte, j'avais été toujours comme une vieille, quoi. pour pas qu'on voit. Les œufs plats, c'est-à-dire. Bah, tu sais, c'est quand ça commence à pousser, quoi. Il y a un bruit plus moche. Faut bien que ça commence à un moment donné. C'est ça, tu peux pas t'endormir et le lendemain, t'as du 90C. Tu pointes constamment, quoi. Ouais, voilà. D'ailleurs, je sais pas si vous avez eu l'occasion, en parlant de ça, de regarder hier E égale M6, c'était très intéressant sur la taille des soutiens-gorge. Ah, bah non. Sur savoir comment bien mesurer les seins, machin. Ah, il faut avoir, c'est Gacko Einstein qui peut arriver ouais, à. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est une complexité là. Il faut déjà, en fait, le tour de poitrine ne veut rien dire en fait. C'est le tour en dessous des seins, donc ça ne veut rien dire. Voilà. Mais après, pour connaître le bonnet, il faut prendre le tour de seins là, en l'occurrence. Et puis après, il faut diviser un truc, multiplier par rapport à la première somme que tu as eue au niveau du tour de. C'est une tanasse. Ah, c'est une vraie tanasse. Bah, tant qu'à faire, autant l'enlever quoi. Non, parce que justement, il disait qu'à par rapport à l'élasticité, il fallait avoir un bon soutien-gorge, enfin bref, histoire. Ouais, ou un bon chirurgien, après ça dépend. Bon, je me suis endormi. Ça m'étonne pas. C'était à 20h. C'était compliqué. Bon, Ludivine, donc concrètement, alors, donc toi, qu'avec les règles alors. Voilà. Par contre, l'inconvénient avec les règles, c'est l'odeur. Oui, en plus, ça pue, c'est vrai. Ça sent le sang, quoi. Bah oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, quand tu vas pour tout de suite, tu sais qu'il faut pas mettre la tête. Hein. Si t'es sur une meuf un peu logique, elle va te prévenir. Non, parce que t'es même sur la fin des règles, t'as encore l'odeur qui reste un peu, tu vois. Et donc, C'est sympa l'émission ce soir. Hein. Ah oui, merci pour ces détails. Ah, moi, je peux vous raconter. Quand est-ce qu'on cherche les œufs de Pâques, là? Moi, je peux vous raconter ma première fois, qui est très appétissante. Mais alors après, un petit peu plus tard, hein, gagnons un peu de temps, hein. Je pense que ce sera pas mal de gagner un petit peu de temps. C'est toujours bien. Ouais, c'est ça. Bon, Ludivine, reste avec nous. On va peut-être pas enchaîner directement avec le problème du forum du jour, mais on le mettra pas forcément dans longtemps, en tout cas. Quoi qu'il arrive. Tu restes avec nous, Ludivine ? Pas de soucis. Bon, et puis les mecs, dites-nous hein, s'il y en a qui ont déjà testé, s'ils aiment bien, s'ils n'aiment pas. 612, débutez votre message par énergie ou sur mikael.fr. Voilà, il y a un message de Raphaël qui dit « Vive les hommes, ils sont moins casse-couilles ». Bah, surtout, ils n'ont pas de règles. Bah, c'est vrai que, franchement, c'est relou d'être une fille. Alors, à ce niveau-là, déjà, c'est nichons, pratique. Hein. Tu sais, quand tu cours ou quand tu marches, en plus, faut marcher avec des talons. Quand t'es une meuf, pas forcément. Ah si, si une meuf qui marche avec des talons, c'est moche. Bah, non mais ça dépend, si la meuf fait déjà 1m85, tu veux, si elle met des talons Bah ouais, mais c'est mieux. Ah non. Si, ça affine une meuf. J'ai pas dit le contraire, j'ai pas dit que c'était moche, j'ai simplement dit que c'était pas nécessaire. Non mais c'est plus compliqué d'être une meuf obligatoire, franchement. Oui, non, ça je suis d'accord. Et puis après, une qui dit l'avantage d'être un homme, pas de règles. Cassandra qui dit c'est dégueulasse. Oui, j'ai récupéré internet. Il y a Anaïs qui dit pour moi le soutif j'essaye, ça me va et basta les gens. Oui, bah justement, ouais. La meuf en l'occurrence de E égale MC disait que c'était un tort de juste essayer en disant oh ça a l'air d'aller. Parce que 9 fois sur 10, c'est la mauvaise, c'est pas le bon. Oui, mais c'est jamais taillé pareil de toute façon. Ça dépend ouais, écoute, j'en sais rien moi. Ouais, puis ça dépend d'où c'est fabriqué. Oui, aussi, effectivement. Bon, allez, on se met un peu de pub derrière, on s'envoie du son avec David Guetta, Memories sur Énergie. Bouge pas. Mickaël termine de se teindre les cheveux blancs qu'il n'a pas. Et l'émission revient juste après ça. C'était le son de David Guetta à l'instant avec Memories et on est là tous les soirs en direct ce soir notamment malgré que ce soit férié pour la majorité d'entre vous pour ne pas dire tout le monde. Dites-nous d'ailleurs si vous êtes en congé, si vous avez fait un truc ce week-end pour ce long week-end justement 612, débutez votre message par énergie ou sur amical.fr, cliquez sur la communauté pour venir nous rejoindre sur le groupe Facebook ou sur le Twitter de l'émission avec Rebecca qui est en congé, tant mieux, hein, on est ravis d'ailleurs. Ouais. Mais Rebecca qui aura perdu un jour. C'est-à-dire parce que toutes les autres zones, elles ont leur lundi de Pâques. Alors elle sera plus en vacances, ben elle aura pas son lundi. Elle va pas récupérer, non, c'est clair. Hein. Bon, il y a Nathan, il y a Caroline qui est dessus, il y a Angélique, il y a Jonathan, il y a Nicolas, Ludivine, Camille, Sébastien, Mélissa, et puis tous les autres qui sont sur mikael.fr. On est plus de 52 000. Venez encore faire grossir tout ça. mikael.fr. Cliquez donc sur la communauté. On va reparler avec Ludivine dans un instant, qui nous avait appelé pour nous dire qu'elle kiffait l'amour pendant les règles et elle voulait savoir un peu comment ça se passait chez vous, si vous étiez plutôt de cet avis-là ou pas. Ça saigne. Hein. Ouais, ça saigne. Oui. 612, débuté par énergie, ou vous appelez Micha direct au standard au 0870 70 42 48. Pour jouer au Sarco Game ce soir, il y a Sophie, il y a Maxence également. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Bonsoir Mickaël, bonsoir. Salut. Bonsoir. En forme? Oui. Bon, très bien. Alors Sophie, t'as 19 ans, t'appelles de Château-Thierry? Oui. Très bien. Maxence, 16 ans, t'appelles de Bruxelles? Ouais. Eh ben j'étais à Bruxelles ce week-end pour l'Energy Music Tour. Ah bah c'était un Music Tour à Bruxelles. Ouais. Je l'ai raté, je suis arrivé trop tard. Je suis arrivé au moment où ils étaient en train de démonter. Ah, c'est con ça. Ouais, bah écoute, je suis arrivé. T'as gagné tes places toi pour les voir ou pas Max? Ouais, Non, non. Non, bah non, bah c'est dommage. Il y avait qui comme, notamment Craig David qui était là. Il y avait Stromae tiens, aussi. Qui, le retour. Qui, ouais, le retour de Craig David. Il y avait Stromae notamment. Il y avait numéro un des ventes depuis la rentrée. Ouais, je sais bien. Ouais. Par contre, Craig David. On va bientôt l'avoir. Non, non Stromae. Et donc, on va bientôt le recevoir notamment. Alors, c'est vrai que j'avais jamais vu pas, sa tête. Comment je m'emballe pas parce que la dernière fois que tu nous as fait cet effet d'annonce. Bah là, on me l'a proposé, donc oui. Et donc, par contre, effectivement, il est tout mince, tout maigrichon comme ça. Ouais, il a une grosse voix, mais tout. Ah ouais, c'est bizarre. Hein. On verra bien. Je vous dirai quand il passera. Bon, alors Sophie et Maxence, nous allons donc jouer au Sarco Game. Vous voulez jouer avec qui, Sophie? Moi, je prends Sandro. D'accord, tu as un très bon choix d'ailleurs. Et toi, Max, tu veux jouer avec qui? Aïe. Oh, ouais, ça va. Principe, hein. Putain, hein, ce vieux aïe. Arrête! Ouais, j'aimerais bien vrai. Ouais. Voilà, tu vois, celui-là était vrai. Max, tu veux jouer avec qui? Avec le room, mais j'espère que ça en retriche pas. Non! À ce jeu-là, ça va en général. C'est aux questions pour une réponse qu'elle est plutôt en galère, donc elle triche. Bonjour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Pas point barre. C'est une question d'éducation. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Le mec est mal élevé, on lui met des décharges. Mais les décharges, elles partent toutes seules. C'est à ça que sert le taser. Fais attention au meuble. Le mec, le menuisier qui avait fait le meuble, en a marre de venir réparer la place où tu donnes des coups de pied à chaque fois. Voilà. Je suis désolé. Ouais, bah justement. Bon, on y va. Sophie, Maxence, je vous rappelle le principe du jeu, vous connaissez? On connaît. Vous connaissez? Eh bah, tant mieux, ça m'arrange. Allez, on y va. Première question. Attention. Décharge. C'est parti. Non, une seconde. Outre trois grandes photos du président de la République, quelle est l'unique chose que l'on peut trouver sur la première page du site internet de l'Élysée? Outre quoi? Outre trois grandes photos du président. En gros, t'as une idée? Non, Sophie, tu vois que tu connais pas bien les règles. La première fois, à la première réponse, vous ne pouvez pas avoir d'aide. Vous êtes seul au monde. Et s'il n'y en a aucun des deux qui trouve, je choisis quelqu'un au hasard. Eh bien, puisque tu as fait la maline, Sophie. Je sais pas. Tu ne sais pas, décharge pour Sandro. Allez hop. C'est une très bonne idée. Ah voilà. Ah oh, ça c'est va, fini. C'est fini depuis une demi-heure. Max et Roux, pouvez-vous vous concerter? Max, t'as pas d'idée? Non, pas vraiment. Donc, outre trois photos du président de Nicolas. T'as pas demandé de répéter la question? Non, mais si, mais moi je peux en demander. Est-ce que tu peux répéter juste vite fait la question? Non. Nicolas veut pas. Non, mais vas-y. Non, il y a une diamant. Non, mais il est pas là, vas-y. Ah bah si, il est là. Vous êtes là, Nico? Hein, vous êtes là? Oui ou non? Tiens, je vois. Réfléchis. Très bien, ouais. Bon, bah, de toute façon, tu l'avais dit, alors vas-y. Moi, j'irais... Je pense que c'est une photo d'Obama, mais... Une photo d'Obama? Ça doit changer tout le temps, mais j'ai vu une photo d'Obama sur son site. Tu valides ou pas, Max? Une photo des deux, validé, tu vois. Je vois pas ce qu'il y a d'autre. Bah, c'est ça. Hein, bah, c'est ça ou... ça ou le... Ah, ça, c'est validé. Attends! Bah, il vient de dire qu'il avait validé. Bon, bah tant pis. Bah, vas-y, c'était quoi l'autre? Ça ou le tableau du père qui... Bah, vas-y, il y a une décharge. Non. Ah, voilà. C'était le CV de Nicolas Sarkozy. C'est au cas où un autre pays voudrait l'avoir comme président, qui fasse leur proposition. Hein. Ah, ce qui serait drôle, c'est de l'appeler, mais tu sais, pour un vieux taf, truc, ouais. Le musier. Votre CV m'intéresse. Vous avez les bonnes qualifs. Il se fout de l'orgue, je sais pas si... Ah, pas moi. Ah, il a dit, ouais, un vieux métier. Les deux. Voilà, en cœur, oh, c'est beau pour ce week-end. Oh, ça fait plaisir. Pour personne. Tu es sadique, mon pauvre. Tu es sadique. Mais non, pas du tout. Ah, allez. Moi, j'ai rien dit. Deuxième question. Je fais que la main du bourreau. Hein. Mais je garde le joker. Deuxième question. 0-0. En quoi a été faite la statue grandeur nature de 18 kilos de Robert Pattinson qui a été réalisée en l'honneur de son élection comme acteur le plus appétissant? Sandro, où est mon œuf de Pâques? Je sais pas. Sandro, ouais. Je te jure, je sais pas. Ah, là, ta gueule. Attends, Max, je m'épose là. Réfléchissez. Ouais, l'œuf. Pourquoi ça tombe pendant le sarcoque? Ouais, l'œuf. Mais là, si tu le donnes, je serai un juge très. Très ouvert. Putain, drasse. Non, mais je voyais ce gros sac à côté de moi et puis tu sais, j'ai plus percuté quoi. C'est en voyant le sac du roux, un gros sac vert, que je me suis dit, mais. Putain, j'avais le même. En plus, c'est vrai que t'aurais pu la faire parler sous la torture, là. Mais en ouais, fait, c'est vrai. C'est celui-là, bon, donne-moi c'est... Donne-moi l'œuf. Celui-là, c'est pas le tien. Donne-moi l'œuf. Parce que je me suis acheté le même. Donne-moi l'œuf. Allez, décharge. Bah arrête, putain, ça se fait pas. T'es... Si, ouais. Comme ça, tu montres à tout le monde que t'as pas de parole, t'es pas loyal. Ouais, il a dit, juge ouvert. Je serai ouvert. Ouais, non, je trouve ça sympa. Hein. Il aurait pu te torturer. Arrête de sucer, toi. Exactement, il a raison. J'ai pas volé, moi. Il a raison. Allez, donc, vas-y, Max, c'est toi qui avais la main. En chocolat, bonne réponse, décharge pour toi. Bien joué, Max. Allez, hop. 1-0, c'est parfait. Après, c'était pas allumé tout de suite. Ah oui, c'est bizarre, il y a eu un petit retard. Bon, deuxième question. Oui, c'est la troisième. Ah oui, pardon, autant pour moi, effectivement. Selon les fonctionnaires mexicains, qui sont les responsables de l'accident qui a blessé trois personnes lors du concert d'Elton John sur le site archéologique de Chichen Itza ce week-end? Ah, voilà la question. Voilà, c'est quoi cette question? Question incognita. L'accident de qui? L'accident d'Elton John. Elton John. Elton John, tu connais Elton John? Sir Elton John. Ouais. Sir Elton John. Non, je vois pas. Non, tu vois pas? Elle décharge pour le roux. 4,5. Ouais, j'ai un peu endormi. 4,5. Bon, trouver une solution. Bah, trouver une réponse. Ah, c'est marrant, on voit justement le bordel là au Mexique. Enfin, c'est pas Chichen Itza, mais bon. Sophie, tu peux te concerter avec Sandro qui a certainement la réponse. Non, bah, j'ai déjà pas compris la question alors. Selon les fonctionnaires mexicains, qui sont les responsables de l'accident qui a blessé trois personnes lors du concert d'Elton John sur le site archéologique de Chichen Itza ce week-end? Ça n'a rien à voir. Les pompiers? Ah, ça n'a rien à voir. Bah, les pompiers. Oui, c'est eux qui ont volontairement défoncé le dossier là. Ils ont passé des pompiers à la. Non, tu regardes là, c'est parce qu'il y a eu le tremblement de terre, Sandro, ça n'a rien à voir avec Elton John. Sophie, bah écoute, je sais pas. Ça, on sait pas, hein, c'est peut-être la terre qui se rebellait. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais pas? Non. Je cherche pour Sandro. C'était quoi la réponse? Les dieux mayas. Ah bah oui, c'est voilà. Logique. Oui, c'était compliqué. Évidemment. Bon, bah voilà, 1-0 pour, 1-0 pour Max. Bien joué, Max. Bravo à toi, Maxence. Bon, bah tu vas repartir avec les cadeaux, hein. Je vais te repasser chez Micha au standard. D'accord, merci beaucoup. Et on va t'envoyer ça très vite. Super. Enfin, très vite. On va t'envoyer quoi. Ouais. Voilà, parce que d'accord. Le temps que Micha se rende compte, tout ça. Mais c'est gentil. Ouais, ouais, bah écoute, de rien, Nico. Bon, salut Max, à bientôt, ciao. Dédicace à Monsieur S. Eh bah écoute, très bien, s'il t'écoute, il t'embrasse également, enfin il t'embrassera peut-être vers minuit. Salut Max, ciao à toi. Et puis Sophie, bah tu reviens quand tu veux, même si tu repars les mains vides. Oh, c'est pas grave, c'est la participation. Mais oui, bravo. Exactement. Tu vois, ça, c'est une bonne candidate. Eh ben, c'est exactement ça. Bravo à toi. Bon, t'envoies un œuf au chocolat. Que dalle. Bon, ça sera très bon. Salut Sophie, gros bisous. Salut à bientôt. Bisous. Ciao. Sophie. Oui. T'aimes bien toi faire l'amour pendant que t'as tes règles? Non. Pourquoi? Si tu fais l'amour. Parce que ça soit pas hygiénique. Oui, non, ouais. Ça, bien sûr, mais t'enlèves le tampon avant. Hein. T'as déjà, oui, bah, bon. T'as déjà essayé ou pas? Non. Non, d'accord, ok. Bon, bah, très bien. Alors, en ce moment-là, je ne peux pas te poser plus de questions. C'était par rapport à Ludivine. Bon, ben, gros bisous, Sophie. Bonne soirée. Bisous à tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao. À bientôt. Bye. Bon, Toff, tu peux rebooter Internet encore, là? Encore? Ouais, relou. Mais redemander la carte parce que j'ai fermé malencontreusement la porte. Ah, oh, t'es deux oui, fois plus. Oui, bah, écoute, à l'accident, ça arrive. Hein, c'est, écoute. Bon, on retourne, bien sûr, on revient demain avec le... Qu'est-ce qu'il fait encore, là, le roux? De rien, Nico. Pourquoi je reviens mon accoudoir en place. D'accord, ok. Bon, allez, retour du Sarco Game demain, et puis on va parler de la ferme, là, maintenant. Ah ouais, ouais, ouais. La ferme des célébrités. Et c'est fini, là? Non, c'est la demi-finale, non. Vendredi. Franchement, j'ai hâte d'être à vendredi. Attends, il y a mardi avant, Ouais, demain, il y a un nouveau mec qui sort. Ah, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ont dû accélérer le bordel et qu'ils n'avaient plus assez de vendredi pour tèche des gens. Donc ah, ils font des trucs en plus maintenant. En tout cas, ça jouera entre Greg, Surya, David, Mickaël. D'accord. Il y en a un des quatre qui sortira vendredi. Sinon, les news, c'est que Frankie et Kelly sont revenus dans la ferme. Du coup, l'ambiance est un peu, petit peu tendue. Ouais, un petit peu. Hein. Comme en témoigne le lever des fermiers, là c'est David Charvet qui se lève et qui dit bonjour avec plein de gentillesse. Bonjour les garçons. Salut Lampadaire, comment ça va le Lampadaire? Ah bah c'est gentil de commencer comme ça le matin. Bah on sait tous que t'es un tocard. Hein. Un hypocrite comme toi. Un hypocrite à 100 km qui arrive qui dit bonjour les garçons alors que tu nous aimes pas. Merci Mickaël. Quoi? Merci. Bah de rien monsieur le tocard. Oh c'est gentil. Mais oui. Tout cet amour dans cette ferme c'est pour beau. Passer une bonne journée, rien ne vaut un petit mot gentil de Vendetta. Juste mais bien sûr. Pourquoi lampadaire? Je sais pas. Ah, l'ampoule, tête d'ampoule, grosse tête, je sais pas. D'accord. Non, ouais, lampadaire, enfin, ça sert à rien un lampadaire. Ah. Ça sert à éclairer quand même. Ouais il éclaire, bah comme c'est un beau gosse, c'est un lampadaire. Ah ouais. Ça. Vous êtes trop cons les gars. Mais exactement. Non, mais on dit ça à des filles, on dit que c'est des belles plantes. Ah bon? Ah ouais, oui, ça. Une belle plante, une plante c'est joli, mais ça sert à rien. Voilà, ça, une meuf c'est une belle plante et un mec c'est un beau lampadaire. Bah, quand t'as une jolie fille, tu en général tu sais quoi en faire. Hein. Ouais, quatre pattes, elle est toujours bien. Et comme une belle plante, tu l'arroses. Voilà, par exemple. Bon, le problème, c'est que c'était ça pendant tout le week-end. C'était comme ça, l'aigreur. Et il y avait tellement d'insultes que même TF1 n'avait plus à biper. Tellement de trucs. Le mec, il a pété une jurée. Ah ouais, ils ont laissé faire. Voilà, c'est alors ferme ta gueule. Eh ben, casse pas les bras, il n'y a pas de soucis. T'es une pauvre merde. Toi, tu les tiens. T'es une pauvre merde, c'est ce que t'es. Et moi, j'utilise pas les gens comme ça, toi. Mais tu n'y arriveras pas parce que c'est toi la merde ici. Et les mouches sont attirées que par les merdes. Va voir David. Voilà. Donc s'ils s'embrouillent, c'est juste parce que Kelly estime que David et Greg n'étaient pas honnêtes avec elle quand elle était encore dans la ferme. Donc là, elle s'est vengée maintenant qu'elle est revenue et qu'elle a vu les vidéos. Ah oui, non, mais c'est pas terminé en fait. Ta gueule, ne parle pas, toi, ça sert à rien, la bouffon. Écoute-moi bien, espèce de pauvre merde. Écoute-moi bien. Et mais les mecs, ils sont vraiment en train de s'insulter là. Ça partait vraiment. Mais ils en sont venus aux mains alors ou pas? Non, mais sur cet extrait, j'ai cru que ça allait arriver parce qu'en fait, t'as Greg qui veut aller régler ses comptes avec Kelly et Vendetta qui se met au milieu et qui fait. Et il se met vraiment devant lui, quoi, à un centimètre. Et ça aurait été quelqu'un d'entre nous, je pense qu'on lui aurait mis une droite à Vendetta. Mais évidemment, ça aurait fait un scandale. Donc du coup, comme tout le monde s'embrouille, la prod décide de réunir David et Kelly au confessionnal pour qu'ils s'expliquent. Et comme à chaque fois que David est présent, la grammaire s'en va. Kelly était toujours nominée la première semaine. Et c'est après cette semaine-là qu'on a toujours... On a toujours fait qu'elle n'est jamais nominée. On a toujours fait. Merci David Gervais. Heureusement qu'il est là. La langue française te remercie. On se la remet juste un petit coup. Vas-y, vas-y. Kelly était toujours nominée la première semaine. Et c'est après cette semaine-là qu'on a toujours... On a toujours fait qu'elle était jamais nominée. Tu sens le mec qui arrive à la phrase, qui arrive vite et qui dans sa tête il dit je bug. Bon allez, qu'est-ce que je dois dire, merde. À l'infinitif, allez, ça passe tout seul. Et attention, dernier son, gros extrait de David Charvet qui s'adresse à Greg. Et la question est, qu'est-ce qu'il veut dire? Et la seule chose qui était mal, qui était dit, c'est quand toi t'as dit Greg... Qu'est-ce que t'as dit? Oh là là là là là. C'est bien parce que je pense qu'on tient la meilleure là. On tient la meilleure de l'année. On peut se la remettre? Oh, il a fait l'effort de conjuguer là. C'est vrai, on va se la remettre. Et la seule chose qui était mal, qui était dit, c'est quand toi t'as dit, Greg, qu'est-ce que t'as dit? D'où ma question, David, qu'est-ce que t'as dit? Je ne sais pas. Voilà, on ne sait pas trop bien non plus. Comment il peut dire ça? Il improvise, il démarre et puis bah il se perd. Ce qui est drôle, c'est que Greg, en entendant ça, il lui fait ouais, non mais t'as raison, laisse tomber. C'est-à-dire que lui, il a compris. Non, ou alors il a voulu se débarrasser. Non, ouais. Il comprend. Ah, il comprend David Charvet. Tu me diras, ils sont ensemble depuis 8 semaines donc. Ouais, non, il a appris. Ouais, bah c'est normal. Bon, bah très bien, fin de la ferme. Donc. Si on a d'autres infos, bien sûr, durant la soirée, on vous donnera les infos également. On va se mettre Pony Pony Run Run avec Hey You dans un petit instant. Version live. Si c'est possible, la version qu'ils avaient faite dans l'émission quand ils étaient passés. Il y a d'ailleurs les photos et les vidéos à mater sur mikael.fr. Voilà, on revient dans un instant, juste après la pub. Restez là. Bouge pas. Sandro va déguster son sushi coco Nutella. Je suis moins fort dans le bouc que l'odeur. Au pire, ça va vous désinfecter. Et Mikael revient juste après ça. Voilà le live donc de Pony Pony Run Run avec Hey You. C'était le live qu'ils avaient fait quand ils étaient passés nous voir donc dans les studios, photos et vidéos encore à mater sur le www.mikael.fr. Cliquez tout simplement sur les vidéos ou sur les photos par exemple. On salue Sarah qui est sur le groupe Facebook qui dit j'aime trop la version Rebecca qui dit superbe version, elle déchire mieux que la version normale. Je suis assez d'accord. Hein. Angélique qui dit Mikael, à quand l'avenue de Monsieur X, il me manque. Oui, ben il revient ce soir normalement. Et puis Laetitia qui dit j'adore le live de Pony Pony Run Run, il déchire également. Amélie qui aime bien la version acoustique. Et puis bon bah tant mieux apparemment. Stacy aussi qui dit en live elle est mieux. Bah franchement moi je trouve aussi que là en live vraiment elle déchire beaucoup plus que la version normale. On fera tout à l'heure la recherche des œufs. Hein, puisque nous avons un gros œuf en chocolat à gagner, on fera ça entre nous. Le concept va bien évidemment être de chasser les œufs, et celui ou celle pour Sandro qui y arrivera gagnera l'énorme œuf en chocolat ici à côté de moi qui a déjà été dérobé une fois par Sandro mais que j'ai rattrapé in extremis. Non, je te dis qu'on a le même. Il est où l'autre? Bah vas-y montre. Bah justement il a disparu. Ah bah comme par hasard. Je soupçonne ça, toi de l'avoir oui. pris. Mais oui, prends-moi pour un débile. Bon, dans, on fera tout à l'heure aussi le chéri je t'ai fait cocu ou le GAV, à vous de choisir. On filera dans le GAV ou dans le chéri cocu une Xbox 360 Elite et un ou un baladeur MP3 16 Go. Vous avez vu ce que je suis obligé de mettre comme cadeau pour que les gens soient meilleurs afin que Micha puisse passer pour quelqu'un qui fait bien son taf. Ouais, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur. C'est dur, c'est très très dur. C'est bon, dur. Ludivine qui est là maintenant. Bonsoir Ludivine. Rebonjour. Ah bah oui, je suis con. C'est parce que je voulais dire bonsoir à Alex en même temps et en disant qu'on allait récupérer Ludivine. Oh et merde, on est là hein, ce soir déjà. C'est ça, pas c'est mal. Déjà pas mal. C'est déjà pas mal qu'on soit là en direct live, ce qui n'est pas le cas chez beaucoup de monde, donc un petit peu de respect déjà. C'est vrai. Soyons fiers de nous. Voilà, parce que Leroux, si Paris avait gagné, il serait encore bourbon à ce temps-ci. Non, je vois pas le dimanche soir. Pas le dimanche soir. Le vendredi et le samedi soir. Voilà. Non, pas le dimanche soir. Si, je le dis. Je vois pas le dimanche soir. Sa mère, elle veut pas qu'il rentre bourré. Ah, c'est ça le truc alors, d'accord. Bon, Ludivine qui nous avait appelé tout à l'heure, donc pour nous dire que bah, elle aimait faire l'amour pendant qu'elle avait ses règles, ce qui est. Tu aimes bien faire qu'on te fasse des cunis. Non, pas les kinis, c'est dégueulasse. Pourquoi cette question? Pourquoi? Bah, c'est dégueulasse. Parce que c'est dégueulasse aussi de se faire troncher quand on a ses règles. Non, c'est pas dégueulasse. Ah, si, c'est pas vrai. Non, parce que. Non, mais tu serais une femme, tu comprendrais ça. Ouais, non, je suis une femme et je trouve ça dégueulasse. Puis une petite je comprends que tu prennes plus de plaisir, je veux bien l'entendre, mais il faut pas dire que c'est pas dégueulasse. Ouais, et puis une petite sodomie dans ces moments-là, c'est toujours bien. Oh, top. Mais non, mais parce que. Que tu sais, Sandro, excuse-moi, mais quand tu fais l'amour, de toute façon, tu perds des trucs. Mais quand t'as des règles, tu perds aussi. Mais bon, tu mets une petite serviette, c'est bon, tu vas pas. Ouais, mais psychologiquement, quoi. C'est non, mais pas dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. C'est super, super, super génial. Oui, mais il y a du sang, que tu veux ou non. Ah oui, oui, ah, ça c'est sûr, hein. C'est indéniable. Ah, et puis le pire, ça doit être en plein milieu, quoi. C'est quand t'as les plus grosses pertes. Bah, de toute façon, c'est là où c'est le mieux. Ah, bah oui, contrairement à ton avis, tiens. Bon, attends, on va quand même demander l'avis d'Alex qui a 19 ans. Alors, Alex, garçon ou fille? Fille. Ou non? Oui, ça a l'air, ouais. Salut. Ça va, Alex? Ça va et toi? Bah oui, ça va tranquille, ouais. Bon, alors, Alex, tu voulais réagir à Ludivine, toi? Est-ce que toi aussi, tu kiffes faire l'amour pendant les règles? Ah, bah justement, pas trop, mais voire pas du tout. D'accord. Donc, je vais raconter ma petite anecdote. Oui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Donc, à l'époque, j'étais en couple avec une fille. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'y suis plus, fort heureusement. Mm-hmm. Elle m'a proposé donc de le faire un jour. Et je l'ai fait. Et en fait, pendant l'acte, j'ai senti quelque chose de bizarre. C'était vraiment différent de l'autre fois. En termes de sensation ou en termes d'odeur? En termes de sensation et en termes d'odeur. Oui. La sensation, c'est tu ressens vraiment pas grand-chose. Étant donné que c'est assez serré, quoi. Ah bon, c'est plus serré quand... Ouais, c'est plus justement, serré. Justement, plus c'est serré, plus c'est bon. Oui, en théorie, c'est mieux. Hein. Ouais, bon, moi, j'ai pas trop apprécié, en fait. Non, mais après, c'est ton avis, hein, pas de problème. Bon, et donc, vas-y, ouais. Et ben, quand je suis... En fait, elle m'avait pas dit qu'elle avait ses règles, donc c'était une... C'était pas cool, ça. Et est-ce qu'elle le savait, elle-même, qu'elle avait ses règles? Ben, sûrement. Tu le découvres pas, que t'as tes règles. Ça se fait pas... Non, mais elles peuvent arriver pendant l'acte. Ah, oui, d'accord. Bah en fait, quand j'ai sorti ma bite de son trou, elle était. Ça ressemblait. Oh là là là là là, quel poète! Ouais, mais. Quand j'ai sorti ma bite de son trou, ça ressemblait plus à un hachu parmentier que. Oh, d'ailleurs, une pensée pour Jack qui fait son hachu parmentier ce soir. Et donc, ça a été une grosse surprise et elle a fait. Oh bah, je savais pas. Oui, mais enfin, non, mais tu peux ne pas savoir. Ça peut les déclencher, par contre. Non, ça peut les déclencher, mais tu sais que ça va arriver, là. Ça arrive pas comme ça, en plein milieu de rien. Oui, mais bon, tu sais pas à quelle seconde, à quelle minute ça arrive. Hein. Tu sais, tu connais la période. Là, ça, je suis d'accord, mais il y a 2-3 jours de relax. Hein. C'est la gestation. La meuf, elle essaye de faire ça en speed juste avant que ça commence. Et bah non, tout sur son mec. En fait, vu le sang que j'avais sur la bite, je pense qu'elle le savait quand même avant. Ah, c'est ça, ou alors elle était vierge? Mais la première fois, il y a deux possibilités. La première fois que ça t'arrive, quand tu vois en fait la capote qui ressort toute rouge, tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et t'as peur. T'as peur de tout, parce que tu sais parfois tu te coupes et tu te sens pas tout de suite. T'as un coup de panique. Moi c'est ça, c'est quoi? Ouais, mais il y avait un fœtus dedans qui l'avait tué. Au début, la première réaction moi j'ai eu quand ça m'est arrivé, c'est que j'ai pété la capote et je me suis pété la bite à l'intérieur, quoi. Tu vois, genre le frein ou une connerie comme ça. Ah oui, c'est possible. Moi c'est un truc, c'est totalement psychologique. Par exemple, je peux me couper. tant que je ne le vois pas, je n'ai aucun problème. Dès que je le vois, on a remarqué ça. Ah, mais pour ceux qui viennent de débarquer, par exemple. Mais si tu t'es coupé un doigt, je pense que tu vas le remarquer. Non, mais bien sûr. Mais quoi que, regarde, non, tu quand, tu, suite, ouais, hein. quand tu vois comme ça dans des reportages, tu sais, des gens qui ont eu des accidents ou quoi. Ouais, mais c'est des mythos parce qu'ils sont filmés, ils ont pas. Mais non, forcément. Tu sens pas. C'est. Il y a une meuf, elle s'est fait. Bon, je suis désolée, hein. C'est ce qu'il y a encore. Elle s'est fait manger par un requin à la jambe. Oh, ça va. Et elle expliquait qu'elle a pas senti tout de suite qu'elle avait plus de jambe. Ouais, la meuf, elle continue à nager pour rejoindre la plage. Ouais, mais alors ça, c'est l'instinct de survie. Je suis rentré à la maison, elle marchait sur une jambe. L'instinct de survie fait qu'elle, elle continue à nager pour essayer de sortir de l'eau. Ah bah, qu'est-ce qu'elle a mis ce règle Ludivine, Ludivine, qu'est-ce que c'est que ce rire? Oh, t'as une chouette! Ouais, c'est ça, ouais. Et donc ta meuf, elle est rentrée chez elle en vélib. elle a fait du vélo, elle a couru, elle a fait un marathon le lendemain et tout. Et puis elle s'est dit, putain, je suis arrivée dernière, mais pourquoi? Merde, il manque une jambe! Elle a enfilé ses chaussures. Ah, c'est parti. Mauvais. Mais on n'est pas mauvais. Si tu as déjà coupé un membre, et ben, qui viennent témoigner. Ah oui, mais bien sûr. Ouais. Et bah, moi, je me suis coupé le doigt, je l'ai vu tout de suite. Hein. Tu vois pas tout de suite. Non, mais oui, parce que tu te coupes le doigt. Tu le sens plus, tu peux pas savoir, tu l'as plus. Oui, bah, tu le sens plus. Mais non, mais bien sûr. Mais je veux dire, quand t'es victime d'un accident, tu te rends compte que t'as le bras pété. Bon bah tu fais attention à ton bras, tu dis putain il est cassé, mais tu te rends pas forcément compte que t'as la jambe en sang quoi. Tu vois, mais si tu regardes pas. Bon, écoute, c'est comme on va chercher un couteau à la cantine, hein, on va vérifier ça tout de suite. Non, c'est bon, j'ai un cutter là. Bon, il est un peu court mais. Ouais, t'inquiète pas, il est assez bon là. Il est assez long. C'est comme au foot où les gens qui connaissent pas franchement le football regardent et dès qu'il y a un mec qui tombe, ils disent oh le cinéma. Ouais. Regarder à droite, à gauche et puis là c'est bon et maintenant il a mal. Non, c'est juste qu'en fait effectivement t'as le coup, le mec qui tombe par terre, la seule chose qu'il a en tête, c'est de voir s'il y a but derrière, et il voit qu'il n'y a pas but, là il se met à avoir mal. Voilà. Il y a un décalage. C'est ça. Aussi, hein, c'est rien. Oui, c'est très long chez les footballeurs. Ouais, ça dépend. Quand il est italien, c'est parce qu'il espère avoir un pénalty pour retirer. Bon, et donc Alex, toi tu ne. Merde, toi tu n'aimes pas. Hein. Ouais, c'est pas mon délire en fait. C'est pas ton délire. Moi j'aimerais bien un mec qui kiffe les tunis pendant. Ça n'existe pas, ça. Non, franchement, je pense pas que ça existe. L'odeur est tellement horrible. Bah, les vampires, déjà. Bah, c'est vrai que ça pue. De toute façon, sur les deux personnes, c'est surtout la meuf qui prend du plaisir. Je pense pas que le mec, il ait un plaisir différent. Ah, mais... alors, il a un problème. Ah oui, je vais me faire un jus de tomate. c'est dégueu. Bah ouais, mais bon, c'est reparti. Je vais faire une saucisse ketchup. Les divines. Oui. En fait, vas-y, rigole, on t'attend. Moi, je me rappelle que le jour de ma première fois, comme j'étais persuadé. Ah oui, c'est vrai, tu nous as pas raconté. Ouais, mais en fait, j'avais presque oublié ça. Donc. Quand j'étais petit, je regardais tout le temps des films de cul. Je passais mon temps à regarder ça. Et à chaque fois, le gars, il l'a déglingué, quoi. Non, mais il lui bouffait le minou avant de commencer. Ouais, ouais. Mmh. Et je sais pas, j'ai développé un espèce de fantasme et tout. Et c'est la seule chose qui m'intéressait, c'était de bouffer le minou, quoi. Même pas de coucher, mais c'était de tremper le biscuit, ça t'intéressait pas, voilà. Mais de brouter la chatte, ça, ouais. Grave. Donc en fait, j'ai fait le truc, quoi, j'ai dépucelé. Et après, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis dit, je vais aller le bouffer le minou. Ah oui. Le problème, c'est qu'il mettait pas tout dans l'ordre à l'époque. C'est ça. Il a fait l'envers. Mais j'étais tellement. J'avais que ça en tête, quoi. Et je suis arrivé en bas. J'ai commencé à me dire, putain, il y a une odeur chelou et tout. Je savais pas trop comment ça se passait aussi. Et j'ai mis un coup de langue. Et j'ai dit ok, je me casse. Mais en fait la meuf elle avait saigné à cause de. Bah oui la pénétration, puisque voilà. Forcément elle était vierge. J'ai mis 2 heures à me laver le visage. J'avais l'impression d'avoir été violé du visage. Qu'est-ce qu'il est idiot celui-ci au final. Il est con alors. Ah ouais. Je suis bête. Mais vraiment. Bon attendez. Pourquoi tu parles au passé? Ludivine et Alex, restez là tous les deux, on va demander à d'autres filles ou à d'autres mecs s'il y en a qui ont kiffé et qui n'ont pas kiffé justement. 612, débutez votre message par énergie, vous laissez votre numéro de téléphone. Alors sur mikl.fr où on salue Morane, Suzanne, Clara, Megan, Isa, Lola qui sont connectés. mikl.fr. Allez, sans pub, on se met un peu de son maintenant. Cheryl Cole avec Fight for the sur énergie. Oh, arrête un peu de dire des conneries. Le son de Cheryl Cole, à l'instant, avec Fight for This Love sur énergie. Est-ce qu'on peut m'appeler Cheryl jusqu'à la fin de l'année? Non, mais arrête un peu de déconner, là. Je le kiffe comme mais ça. Mais tu ressembles pas à Cheryl Cole, si, je ressemble, on a la même couleur de cheveux. Si, sur la même Cheryl. Si, de dos est prise au niveau des cheveux, moi je te dis, c'est la même meuf. Ouais, c'est ça, ouais. Non. Vous n'êtes pas sympa. Non, mais vraiment pas. J'allais justement dire, à la limite, à Cheryl Cole, bon, si la meuf elle arrive, tu sais que t'as une chance ce soir-là et qu'elle a ses règles, bon, tu fais un effort, quoi. C'est la série que je... Non mais elle est bien. Oui, d'accord, mais elle a ses règles. Donc, Adriana Carambeu ou Suzanne Boyle, elle a ses règles, quoi. Ah, ah oui, non, non, c'est-à-dire que Suzanne Boyle, même sans les règles, je mets pas ma bite dedans. Ah ouais, je fais c'est pas vrai. L'effort, alors je te dis direct. Ouais, c'est ah non, c'est clair. Non, je ne souhaite pas qu'on m'appelle Suzanne. Même pas. Non, oui. Quoique, c'est vrai que t'as plus de ressemblance. Non, tu m'arrêtes, arrête d'en rajouter des tonnes. Mais j'en rajoute pas des tonnes. Mais je suis plus proche de Cheryl Cole que de Suzanne Boyle, quand même. Quand même. Oh, la petite moustache. Ah, si tu dois choisir, si, je suis désolée, je suis plus. C'est comme ça. Tu je suis plus proche de Cheryl. Non. Ouais, mais alors, de Cheryl, mais pas Cole. Hein. Toi, fais plus proche de Suzanne. Ouais, c'est vrai. Moi, pour 100 000, Suzanne, je la baise. Hein. Ah. Mais pour moins que ça. Mais on aussi, pour 1 000 euros, oui. Mais... Allez, 50, allez, 50, je la baise. Mais moins que ça. Non, bah, quand même. Tu t'es tapé des poulettes. Non, c'est pas vrai. Mec. Bon, bah alors, donnez des noms. Je peux pas vous laisser dire ça. Je donnerai pas de nom. Un plus laid que Suzanne, faut pas abuser. Franchement, non. C'est pas vrai. Arrête un peu de déconner. Bon, si vous êtes une meuf, ex-meuf de toi, ou actuelle, et que vous êtes moche, vous sentez plus moche que Suzanne Boyle, appelez, tu vas avoir beaucoup d'appels. Ah ben, toi, tu serais bien étonné. Des appels d'insultes. Tu serais bien étonné. Ah ben, je veux bien être bien étonné alors. Ah ben, d'accord, ok, très bien. Bon, on sera bien étonné. Vas-y, je te garantis que d'ici la fin de l'émission, il n'y a pas un appel. Bon. Je peux pas changer ma vie en laissant. De retour, je vous en parlais depuis 21h. He's back. Walid. Très fort. Qui avait fait cette chanson-là avec Alisson. Alors, quel est le titre du dernier single de Walid? Eh bien, c'est une bonne question. Personne ne le sait, là? Non. Bah si, ils sont... Sandro va se renseigner pour vite voir ce que c'est. Peu importe. T'es relou avec tes questions, bah, là. Attends, con, toi. C'est normal. Putain, on a dit c'est new single. C'est vrai, c'est new single. Mais t'annonces le nouveau single, il y a au moins un titre. Bah pas forcément. Demande à Shazam s'il connaît. J'ai pas compris pourquoi. Mais non, c'est pas sûr. Si, il y a écrit j'ai pas compris pourquoi. Ouais, c'est ça le titre. Entre parenthèses, pour Alisson. Oui, c'est ce qu'on a déjà écouté là. Non, avant c'était Alisson. Avant c'était Alisson, pourquoi tu fais ça? Et là il a pas compris pourquoi. Voilà. Ouais, bon, écoutons. À un moment, être dans le son, il monte en vocalisme et c'est ouf quoi. Maria Carré, elle peut aller se rhabiller. Le son il dure 3 minutes? Ouais, bah fais gaffe parce que si elle se rhabille, il y en a pour 2-3 heures. Hein, donc, on écoute tout, on se méfie avec ça. Hein. Bon, allez, c'est on y retourne. Bah c'est vrai. On y retourne. On écoute, écoutez. Quoi, l'intro, le début? Ouais, un petit bout. Jingle piano, hein. R&B. Est-ce que c'est lui qui joue? Non, je pense pas. C'est instru. J'y cherche encore. J'y cherche trois fois. J'y cherche encore. Trois fois, cinquième fois. Sixième fois. Ah putain, il est énorme. Celui-là, il est bon. Dites-nous sur le groupe Facebook si vous aimez ou pas. S'ils sont doux, évitez votre message. C'est eux qui m'ont envoyé la vidéo. D'ailleurs, c'est pour le buzz du net, un petit cadeau pour la personne qui envoyé. J'ai pris la première personne qui avait envoyé, donc me faites pas chier. Je crois que c'était moi le premier qui te l'avait envoyé. Non. Bon, allez, on y retourne. Ah, il y a Suzanne qui dit c'est tellement beau, Walid, pardon. Vous voyez, c'est vrai que. On sent qu'il fait ça avec ses couilles, hein. C'est ça qui est beau. Avec sa voix, avec ça. Oui, aussi, oui. Allez, on y retourne. Tout le monde, elle m'a insulté. J'ai pas compris pourquoi un homme sérieux, elle voit tout ça pour vivre bien. Et j'ai pas compris pourquoi. Elle est où la phrase? Je pleure pour nous tout aussi, le monde. Hein. Pour je fais un message pour vous. Cela dit, j'aimerais bien parler une langue étrangère comme lui parle français. Parce qu'à la base, il n'est pas français, le gars. Donc bon. Il chante en plus. Il chante. Et en plus, il chante, effectivement. Allez, on l'emmène encore parce qu'on en a jamais assez. J'ai pas compris pourquoi. Tous les hommes, tous les gens, elle m'a insulté, moi. J'ai pas compris pourquoi. Tous les gens, elle m'a insulté, moi. Qu'est-ce que je fais? Moi, je chante sérieux. Ah, Ah, il est bon. Ah, il est bon. Ouais. Il y a Mario qui dit sur le groupe Facebook, bonne crise de rire. Il y a même les effets de répétition. C'est Mégane qui avait envoyé le message. Nicolas aussi qui dit, j'adore, il est énorme ce mec. Et Fufu la praline qui dit, je pleure de rire, il est trop fort. Ah, il est excellent. Ah, c'est vrai qu'il est bon. Il y a encore un petit bout. Ah, si vous avez 4 minutes devant vous, je vous la passe avant. Non, mais ouais, on la passe. Moi, si on peut la passer en son de la cave, hein. Mais non. Son US, non, parce que c'est pas US. Si, c'est et de deux, parce regarde, que cette semaine, on comprend cette... pas, ça peut passer pour un son US. Cette semaine, c'est Nirvana. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ouais, et surtout mais aujourd'hui. C'est pareil, c'est un suicide musical. Ça n'a rien à voir, hein, pauvre con. Non, mais on va la mettre avec ses sacs poubelles, là. Elle sera sur mon blog pour ceux qui veulent voir le clip. Ah bah c'est parfait, tiens. Il y a un clip en plus. Ça, c'est sur mon blog, hein. Ah, il y a le clip. Ouais, enfin, il se filme devant son ordinateur. Il se filme ou il y a un clip ? Non, il se filme, bah, c'est un clip. Oh, il y a quand même un peu de recherche. Un peu de recherche artistique. Tu la connais ? Il y a Pierre qui demandait de quelle origine il était. Il est algérien, c'est ça ? Ouais, il est algérien. Il est algérien, ouais. Alaïs qui dit, j'adore passer les deux versions, French et anglaise. Il y a une version anglaise ? Bah, l'anglaise, c'est l'original après, hein. Mais c'est ah oui. Walid, hein. Ah, mais des fois que Walid l'aura fait. Ouh, c'est possible. Ah, I don't understand. Bon, tu connais déjà les paroles ou pas ? Non, pas encore. J'ai pas compris pourquoi les gens, elles m'insultent. Une fois, deux fois. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a pris dans ma belle tête. Qu'est-ce qu'elle a pris. Au revoir, ma lover. Quoi, t'avais pas reconnu ? Non ! Ah non ! Tu m'es trompé, bébé. Tu m'es trompé. Au revoir, my lover. C'est énorme. Au revoir, my friend. Ah, il a un bon accent. Tu m'es trompé. Tu m'es trompé, bébé. Tu m'es trompé, bébé. J'ai pas la chance. J'ai pas la chance. Ah, il y a des cœurs. Waouh ! C'est toi. C'est lui, c'est meilleur amour. Non, mais le mec, il est toujours derrière Allison, quoi. J'ai pas la enfin, Allison, c'est dingue. Non, je pense qu'il a d'autres meufs, mais que t'es, il est toujours le cœur brisé. Ah ouais, je sais ce qu'il ressent, ce garçon. Ouais, ouais, c'est je ça, sais ça, comment ouais. Il va finir. Oui, bien sûr. Mais la meuf, la pauvre, hein, parce que. Trois fois que je cherche, j'ai pas compris. Ça fait trois fois qu'il cherche. On sait qu'il a pas compris, hein, ouais. Ça c'est sûr. Il arrive dans ma vie, moi. J'ai pas compris. Il y a Logan qui dit ça, c'est le nouveau hit de l'été. Oui. Qu'est-ce qu'il arrive ? Ah bah c'est génial. Et Hugo qui dit je kiffe faire un cunni à ma copine quand elle a ses règles car j'aime le goût du sang. Très bien, Hugo le vampire. Laisse ton numéro de téléphone, nous allons te rappeler. On en parle dans un instant avec Ludivine et avec Alex. Le temps d'écouter. Bon, oui, bah. Walid hein. Non, bah c'est beaucoup moins bien que Walid, mais on n'a pas le choix. Mr. King Size featuring Dr. Hugo, c'est comme la voiture, avec le papapa style. Voilà le son de papapapapapapapapa. C'était Mr. King Size avec Dr. Hugo. Hugo, c'est comme la voiture. Hein. C'est la Hugo. Je sais pas, pour moi, Hugo, c'est un Yougoslave. c'est quoi une Hugo ? Bah, c'est une marque d'un pays, des pays de l'Est, quoi. Oui, c'est ça. c'est ça, en gros. Hein. Bon, donc, on se mettra Edouard Maillet tout à l'heure avec This Is My Life. Il y aura également le nouveau son de l'émission, nouvelle parodie, donc, avec. Alors, on avait dit quoi comme Bienvenue à Paris, non ? Bienvenue à Paris. Bah, il faut que je me la note, hein, parce que je vais oublier. C'est très dur, Bienvenue à Paris. Ah ouais, mais j'oublie à chaque fois, hein. C'est ça mon problème. Hein. Qu'est-ce qu'il fait encore, Toff, là ? Il prépare quoi ? Ah oui, la chasse aux œufs. C'est dur à dire, la chasse aux œufs. La chasse à l'œuf. La chasse à l'œuf. Ouais, prends pas la tête. Ouais, bon, allez, la chasse à l'œuf. On mettra tout ça, bien sûr, sur michael.fr. De quoi, Sandro ? On se prépare à bouffer des œufs. Comment s'est passé d'ailleurs au niveau du chocolat ce week-end ? Rien du tout. Rien du tout ? Non, rien du tout. Putain. Mais non, parce qu'il n'y avait personne pour me les cacher. Ah bah oui. Bah, ça m'étonne que tu ne te les aies pas cachés toi-même. J'ai pas acheté. Si. Quoi. Elle s'est cachée dans le bide. Merde, non, j'arrive à les avoir. Tu vas moins rigoler parce qu'elle a bouffé tes céréales. C'est pas grave, je lui ai dit qu'elle pouvait prendre. Ah, ce qui est bien avec Sandro, c'est qu'elle prend une cuillère, elle me ramène deux boîtes. C'est rentable. C'est ce que je viens de faire. Je t'ai racheté deux boîtes. Et du lait. Tu vois, c'est rentable. C'est vrai que c'est bien. Ouais. Ah ouais, c'est super. Hein. D'ailleurs, dorénavant, je remplirai le frigo avec un petit truc à chaque fois. Et comme ça, je suis sûr d'avoir. Ah bon, bah merde alors. Ah bah tu devrais essayer sinon. Hein. Bon, il y a Stacy qui dit, Mickaël, tu es parfait. Oui, je dois avouer que je suis assez conscient de ça. Il y a quoi aussi, Denis qui dit la nouvelle star de l'énergie. Alors on ne sait pas s'il parle de Walid ou s'il parle Papa. Papa Style. Jean-Baptiste qui dit, tu pourrais m'envoyer l'acoustique de Hey You, s'il te plaît. Jean-Baptiste, bah, tu peux aller l'écouter si tu veux sur mikael.fr. Tu vas dans les vidéos et tu auras le moment où ils sont venus chanter en live. Ouais, et puis avec un logiciel audio, de montage audio, normalement banal, tu peux enregistrer directement. Ah, je ne suis pas au courant. Ouais, bah, c'est bon, c'est sur le site. Ouais. Voilà. Je suis pas, c'est la technique, hein, pour mettre dans le MP3. Très bien, bah, j'en parlerai à monsieur Adopi. Oui, bah déjà qu'il règle ses problèmes de nom. Oui, oui, c'est ça, ouais. Bon, retour avec Ludivine et avec Alex. Vous êtes toujours là tous les deux ? Ouais. Bonjour. Bon, parfait. Alors, plein de messages qui sont arrivés, notamment Hugo, putain, c'est dommage qu'on n'arrive pas à l'avoir, lui. Lui qui kiffait faire des cunis à sa copine quand elle a ses règles, car il aime le goût du sang et l'odeur. Mais non, il est dégueulasse, je pense. Ah, bah je sais pas, hein. Tu dis Alex ? C'est un sacré vampire, lui. Hein, parce que bah, c'est pas du tout. Oui, franchement, ouais. Il y a Arnaud qui dit, le problème du forum, il arrive quand ? Bon, hein ? Tu vas rester impeccable, Arnaud. On va le mettre quand on veut. On va le mettre dans pas longtemps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, un petit message qui est arrivé également. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Mickaël, un peu glauque sur le sujet, mais moi j'aime les cunis en 69. Tu as vu ma tête sur la vidéo et le reste. Signé Ophélie. Ouh, elle a fait une vidéo de 69, elle te l'a envoyée. Ophélie, renvoie-moi, hein, j'ai certainement du mal la recevoir. mikael@mikael.fm. N'hésite pas à m'envoyer ça à nouveau. Hein. Micha, appelle Ophélie, on va l'avoir besoin là. Ah, attends, pour une fois, il y a son numéro de téléphone. Donc, appelle Ophélie, offre-lui la PS3, vas-y. Ouais, PS3, Xbox. D'abord la vidéo, bien évidemment, ça tombe sous le sens. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, Toff ? D'accord pour la vidéo. Ouais, voilà, c'est ça. Je suis d'accord, mais j'ai presque fini là. En fait, il écoute rien, mais dès que ça parle de cul. Ah ouais, mais j'écoutais, voilà. J'écoutais, t'inquiète. C'est dramatique. Enfin bref. Bon, Alex, donc toi t'aimais pas. On est d'accord. Ludivine, toi t'étais en surkiff. Comment ça s'est passé la première fois, Ludivine? Tu sais que t'as demandé à quelqu'un ou Bah en fait, c'est vraiment pur hasard. Ouais. J'avais envie, et puis mon copain à l'époque, il avait très envie, puis j'avais mes règles, j'osais pas trop lui dire et tout, enfin, j'osais pas trop lui demander parce que je savais pas du tout comment c'était. Ouais. Et puis c'est lui qui a pris l'initiative, en fait, et on a fait, et c'était vraiment, mais fabuleux, quoi. C'était encore mieux que quand c'est normal, quand t'as pas tes règles, quoi. Ouais, mais c'est pas le problème, hein, j'ai l'impression. Ouais, non, enfin, tu sais, t'as le côté quand même dégueulasse, tu vois, enfin, je sais pas. Tu sais, c'est... Moi, franchement... Est-ce que tu l'as déjà fait ? De quoi faire l'amour avec pendant que la meuf a ses règles ? Oui. Oui, ça m'est arrivé une fois par accident, mais... Ouais, oui, je sais que la meuf a trouvé ça bien aussi, mais... Mais t'as pas aimé ? Ça va pas changer ma vie, quoi, mais sinon l'odeur, hein, ça a changé ma vie. Non, mais on sent que c'est en hiver quand t'as un rhume. Ça a changé pour un mec, c'est aucun intérêt de le en faire. En oubliant l'odeur, je te jure que franchement, c'est fabuleux. Mais moi, spécialement, mon copain, il veut pas. Il trouve ça super horrible, il veut pas du tout. Mais non, mais. À peine, j'ai insisté, il a dit. Attends, mais mets-toi à notre place. Mets-toi à ma place alors. Non, mais attends, ta place, t'es gentil, mais nous on n'a pas envie de taper dans un sac de sang. Oh, mais non, mais par contre, Ludivine, est-ce que tu pratiques la sodomie ? Oui. Ah merde. Ah, non. Allô, j'avais une chance sur deux. Moi, c'est un très très bon échange, hein, que j'ai réussi à faire grâce à ça. C'est-à-dire que la meuf. Quel échange, quoi ? Bah, si, c'était bien. C'est-à-dire que voilà, moi je lui faisais plaisir parce que je lui faisais l'amour pendant les règles et elle acceptait de prendre dans le cul. Voilà. Mais il veut même pas, non, mais je sais, de toutes les manières, il veut pas du tout. Il m'a dit non, c'est pas la peine, n'y pense même pas, c'est pas la peine. Je fais bah écoute, je fais. Qu'est-ce que tu fais un jour hein? Comment? Un jour où t'as tes règles, tu lui dis pas? Non, arrête. Viens, chérie, on va faire un petit jeu, je vais te bander les yeux. Règles. Et alors ouais, mais il aura les il va rien voir. Ouais, mais ah ouais. Non mais franchement, je te dis, moi, sortir, hein. moi je l'ai fait une fois au tout début et. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trouvé ça exceptionnel, pour moi ça a pas changé ma vie, ni le rapport, sinon l'odeur quoi, ouais, l'odeur c'est relou. Ouais, mais l'odeur, après si vous vous focalisez sur ça, franchement. Ouais, mais attends, c'est déjà pas mal, c'est déjà ça un point pue, important. Ça pue. Mais sinon sous la douche, par contre, ça marche encore bien. C'est comme si qu'un mec qui te demandait après avoir pissé de le faire une fellation, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, si tu fais ça, t'es malade quoi. Non mais je sais, mais bon. Non, c'est génial. Moi j'adore avoir le goût de la pisse. Hein. Ah non, ouais, si je puis me permettre, il y a des gens, c'est leur délire. Hein. C'est même pas avoir le goût ni après, c'est ah pendant. Ah oui, c'est des scatos, c'est dégueulasse. Oui, mais là c'est leur délire. Euro. Ah ouais, c'est euro. Oui, bah c'est pareil pour moi. Non mais là c'est leur délire, c'est sexuel. Non mais je dis juste que quand même quand on est dans un couple faut faire la part des choses et je me dis que tu la fais pas là hein. Ouais là c'est pas la part des choses hein, je te confirme. Je fais tout ce qu'il veut mais moi il veut pas me faire ça. Ben oui, mais. Oui, c'est... Non, mais propose-lui de le faire sous la douche déjà, ça sera, ouais, ça sera un bon. Oh, bah, génial, non, comme ça t'auras tout le non, rouge. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une fois que t'es sous la douche, ça ne coule plus. Ah ouais, c'est dans le bain que ça coule pas. Non, non, mais sous la douche. Sous la douche, si elle se lave avant, etc. Oui, c'est vrai que ça coule plus effectivement avec l'eau. C'est vrai, c'est vrai. Ça diminue quand même vachement. Non, c'est vrai. Il y a pas de vélodrome sur le bout de qui dit j'ai envie de vomir. Karina qui dit voilà le sujet. Oui, bah, en même temps, c'est Ludivine qui l'a. Ouais, c'est Ludivine qui est venue en parler. Et Amélie qui dit je pense qu'il faut vraiment que la fille ait confiance en elle. Perso, je ne le ferai jamais. Trop mal à l'aise pour ça. Non, mais après, voilà, si ton mec et toi, vous êtes chaud pour le faire, bah, essayez, vous emmerdez pas. Mais après, il faut accepter Ludivine. Non, mais non. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains. Ludivine, oui. faut que tu lui prennes la tête, lâche pas l'affaire, hein. C'est comme ça qu'on fait à chaque fois. Et tu la prends, tu la lui mets dedans et puis on n'en parle plus. Oh bah alors là. Lâche pas l'affaire, prends bien la quoi, tête. N'importe quoi. Voilà. Ludivine et Alex, restez là tous les deux. On va revenir dans un petit instant avec la chasse aux œufs que nous ferons dans un instant. Le problème du forum du jour, nous allons en parler puisque vous êtes demandeurs et ce soir il est énorme. Et puis bah, si vous avez vos avis encore à donner, n'hésitez pas bien sûr. 612, débutez votre message par énergie puis vous laissez votre numéro. Ou sur mikael.fr, on écoute Michael Bublé dans un instant avec Haven't Met You Yet. Bouge pas. Stoff part dans une exploration plus profonde ses narines. Et Mikael revient juste après ça. Le son de Michael Bublé à l'instant, Haven't Met You Yet. On reparlera dans quelques instants avec Ludivine, avec Alex et puis avec vous si vous avez une réac par rapport à coucher pendant vos règles. Hein. On peut en parler bien sûr et on va encore en parler. Au 612 en débutant votre message par énergie, puis vous laissez votre numéro ou alors sur mikael.fr, cliquez sur la communauté. On salue d'ailleurs ceux qui sont connectés un petit peu comme tous les soirs d'ailleurs. Fufu, la praline, il y a également Seb, il y a Malo, il y a Victoria, il y a Sacha, il y a Coralie, il y a Yuki. Il y a qui encore, Ludivine, Angélique, Marine et puis tous les autres, hein, mikael.fr, cliquez sur la communauté. On est plus de 52 618 pour être précis et continuez à faire monter tout ça bien évidemment. On fera un petit GAV aussi d'ailleurs dans quelques instants avec une Xbox 360 ou un baladeur MP3 16 Go qui sera à gagner grâce à Remember Me. C'est un nouveau film qui sort le 7 avril, c'est mercredi, avec Robert Pattinson de Twilight. Et puis il y a Emily Dravin aussi qui est dans Lost, Chris Cooper et Pierce Brosnan, comme ça vous savez tout. Et nous allons maintenant jouer à la chasse aux œufs. Et la chasse aux œufs, donc déjà il y a un gros œuf avec plein d'œufs à l'intérieur. Ah, Sandro, elle a la pression. Hein. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous, Ro? Qu'est-ce que tu fais? Viens là, c'est pour tirer. Pourquoi tu tires? Bah oui, bah oui, il faut se mettre. Donc il faut passer au milieu pour tirer, ça va être pratique ça. Enlève le sac sushi bas là. Voilà, hop là, très bien. Donc en gros, nous avons mis un espèce d'énorme sac poubelle de manière à pouvoir protéger un peu les murs. C'est tof, hein. Et nous avons mis, je sais pas si vous vous souvenez quand on avait fait l'expression du jour, on avait une espèce de grand panneau avec comme quand on joue aux fléchettes, tu vois. C'est une cible en fait. Une cible, ouais, c'est ça, donc avec des points. Avec des points, t'as 50, et 10, 5. Voilà. Et donc c'est 5 à l'extérieur, 10, 50, et puis le jackpot 100 au milieu, c'est-à-dire la tête de tof. Nous avons donc des chocolat, hein, des œufs. Nous avons aussi une, comment on appelle ça, merde, c'est un lance-pierre. Ce avec quoi Micha m'avait blessé la dernière fois. C'est un lance-pierre professionnel, hein. Voilà. C'est pas un lance-pierre Eh ben, je te confirme. C'est un vrai. Et le concept, évidemment, c'est d'arriver à tirer et à faire un maximum de points, c'est-à-dire 200, puisqu'on a droit à deux tirs, et que un tir vaut 100 points si on vise la tête de Toff, et si on arrive à la viser deux fois de suite, on a 200 points. Donc, à voir, celui qui gagne repartira, celui qui a le plus de points repartira avec ce magnifique œuf en chocolat. Voilà. Avec plein d'œufs à l'intérieur. Plein d'œufs en chocolat d'ailleurs. Ah oui, bien évidemment, il y a des œufs dedans. Donc, c'est Toff qui m'a dit qu'il y avait des œufs dedans. Donc, je m'avance peut-être un peu, à mon avis, le truc il est vide. On s'est vendu avec des œufs à la tête. Et on n'est pas à l'abri que l'œuf soit en plastique. Vite, j'irai t'arriver scandale. Oui, bien sûr, c'est ça. Voilà. Bon, alors on fait les paris, on va faire les paris directement. Rouge mise. Combien de points à ton avis? Combien de points justement? Moi je mise. Zéro. Non, je miserais 60. 1,50 et 1,10. Sachant qu'on a le droit à 2 œufs par personne. Oui, c'est ça, 1,50 et 1,10. Il faut qu'il soit éclaté obligatoirement ou pas? Bah, il veut soit. Non, il faut que ça touche. Juste que ça touche. Ah, après, c'est plus drôle, hein. Moi, je miserais. Non, mais c'est pour les points. 50 plus 10 ou 10 plus 50. Voilà. D'accord. Sandro, tu miserais combien pour l'euro? 100. 100? Au total? 50-50 Non, écoute, je vais miser 20 au total. 20 au total. Ah bah d'accord, ok, très bien, parfait. Pedro, tu mises combien? Oui, pourquoi? Pour ce que va faire le roux? Ouais. 120. 120, très bien. C'est pas possible. On y va. Si, parce que la, au milieu, c'est quoi? La tête. Ah, c'est 100 la tête. Ah, alors 200 alors. Ah, 200, donc deux fois le... Deux fois la tête. Deux fois jackpot. Bon, alors attends, j'ai changé mes scores, moi. Ok, très moi, bien. Moi, je mets comme toi, 60. Ah, tu mets comme moi. Non, c'est trop tard, mais non, c'est la ligne. Tant pis. Allez, hop, on y va. De toute façon, ceux qui misent, ils gagnent rien. Non. Alors, si, un Kinder Bueno, la machine. Il y en a pas. Bah si, il y en a. Non, il n'y a pas des Kinder Bueno. Enfin, ou ouais, un Kinder, je sais pas quoi, peu importe. Bon, roux, on y va, roux. Comme tu veux, là. Ah oui, bien sûr. Je vais pas percuter que c'était des vrais œufs. Eh, commencez pas. J'en ai déjà pété un. Moi, je pensais que c'était des œufs au chocolat qu'on devait tirer sur la tête de Toff. Bah, non, c'est ton œuf, hein, tu te démerdes. Hein. Ah, c'est des vrais œufs alors. Déjà, il a zéro point. Ouais, ouais. Non, c'est ton œuf. Ah, il est cassé, il est cassé. Et les autres, ils en ont pas. Je le mets dans la gueule, sinon. Tu t'as volé l'œuf à qui là? T'as tombé. T'as fait le premier lancement là? Non, mais. Ah, bah, mec, c'est ce que je te dis. Allez, on y va, attention. Allez. Je vais le faire mal. Mais on s'en fout. Ah bah oui, mais je vous l'ai dit ça. Ça me... Allez, on y va, attention. Tu t'en fous, c'est tough. Hein. Vous devriez normalement entendre le... Normalement. Non, attends, il faut qu'on lui cale le micro pour qu'on entende la réaction de Toff. Non. C'est pour ça que pendant le tir, nous allons nous taire de manière à ce que vous puissiez bien entendre l'œuf s'écraser violemment, peut-être contre la tête de Toff, ou pas. Voilà. Allez, vas-y. On y va, attention, tout le monde se tait, le roux va tirer, va-t-il réussir la cible, c'est-à-dire 100 points maximum, la tête à Toff? Raté. Zéro. Roux, ce que tu as oublié, c'est qu'un œuf est lourd. Avec la main, les gars, je peux y aller avec la main? Non. Ce que tu as oublié, roux, c'est qu'un œuf est lourd. Donc quand tu tires et que tu vises, Toff... Plus vers le haut. En fait, il faut d'abord lever un peu et tirer plus, surtout. Bien plus près. D'accord. Oui, mais plus près, en fait, si tu... Pas trop près, il faut quand même qu'il y ait un bon niveau. Le problème, c'est que je me suis emmêlé dans le... Dans quoi? C'est bon. Il est en train de te chercher, là, mets-lui une patate, enfin, mets-lui un œuf. Ouais, mais c'est dur, hein. Putain, c'est hyper dur, en fait. Mais quand tu tires sur le lance-pierre, j'ai peur de péter l'œuf. Ouais, j'instaure un nouveau point. 500 points pour les couilles. Non. 500 points pour les couilles, roux. Attention. Zéro. Ouais, mais je m'en fous, j'ai touché le carreau. Ouais. T'as été mauvais, roux, Mais t'as surtout fait zéro, hein. Pas mal. Ça, c'est malheureux. Qui veut y aller? Bon, qui veut tirer? Ah, moi, je veux bien, moi. Ouais. Moi, je vais passer, mais pas maintenant, j'ai trop de pression, hein. Bon, bah, Pedro, moi, franchement, je mise zéro. Là, je me suis enflammé avec roux, en fait, mais je mise zéro. Moi, je vais dire 20. Ouais, non, franchement. Bah, tu mets 20, toi? Ouais. Bah, écoute, moi, je mets 0. Pedro, tu dirais... Roux, tu dirais combien pour... Pour Pedro, ouais. Ah, 60. 60. Il est bon dans les travaux manuels. Ouais, c'est ça. Allez, on y va. Attention. Déjà, il galère avec l'œuf, là. Comme ça. Il galère. Comme ça, tu vas pas le péter. Non. Ça ressemble à rien. C'est-à-dire que l'œuf n'a même pas, il a moitié de la distance et hop, un drame. Mets-le de travers. Parce qu'un œuf est plus dur aux deux extrémités. Ah ouais, d'accord. Okay. Voilà, comme ça tu peux. Non, tu vas le péter. Ah bon, moi j'aurais plutôt fait comme ça. Si tu le tiens. Ah, comme ça. Voilà. Bon, allez. Oh là là, ça, tu vises pas. Oh! 50. Non, zéro. Non, zéro, parce que l'œuf a explosé avant son arrivée. Non, c'était comme une balle doum-doum, tu sais, elle explose d'abord. On t'a dit zéro. Je ne valide pas. C'est quoi une balle doum-doum? Je sais pas, c'est un truc bordelais, j'imagine. Mais non, tu sais, ça explose et après, comme ça te fait plein de petits impacts sur le corps. C'est invalide. Tu pourras me ramener une balle doum-doum? J'ai jamais joué avec ça. Ce n'est pas valable. Ah, vous connaissez pas. L'œuf a explosé avant d'atterrir sur la cible et c'est dommage d'ailleurs. Allez, chez Lagardère, au moins ils connaissent les missiles. Ouais, c'est ça, t'as raison, ouais. Bon, allez, sortez de là, c'est Sandro qui va tirer maintenant. Alors, sur Sandro, je mise 0 également. Pour l'instant, quel tarbe. Pour l'instant, j'avais raison sur Pedro, hein. Bon, je mets 0 pour Sandro. Pedro, tu miserais combien pour Sandro? Ah, Sandro. Ah, ouais, mais non, mais... C'est une à cette distance, je dis qu'elle va faire 150 au moins. Ah ouais? Ah ben, putain. Moi, à cette distance, je lui mets moins 10. C'est-à-dire qu'elle a juste à étendre la main pour toucher la tête de Toff. Elle va devoir des points. Droitière, tu tiens comment le truc? Ouais, à gauche. Je sais pas si elle est droitière ou gauchère. Si, mais vous rigolez, mais non, c'est pas avec ici. Vise par là. Toujours. Pour voir. Allez, allez, allez, allez, allez, allez, allez. Allez, plus, tire, plus, tire, plus. Oh, qu'est-ce que tu fais? Attends, elle a du mal. Ah, mais non, elle se rend compte qu'elle est gauchère. Mais non. Oui, t'es gauchère, hein, je te le dis direct, t'es gauche. C'est une handicapée. Oh là là là là. Recule, recule, voilà, recule. Ah ouais, recule au maximum. C'est un... Putain, si ça éclate dans sa gueule, je peux me marrer, mais pas dans le sens éteint. Bon, allez, Sandro. Tire avec le bras, avec le bras. Voilà. Boum. Lâche. Lâche. J'arrive pas à lâcher. Mais si, lâche. Bah lâche. Lâche ta main. Boum. Alors, il a pas éclaté, hein. Il a éclaté par terre, ouais, mais on a dit que, ça, que s'il éclatait pas, ça comptait. Non, ouais, mais si, mais tu l'as dit tout à l'heure, Mike, sur la vie de ma mère. Il a même pas pété, il a même pas Non, mais j'ai fait 50 là. J'ai fait 50. Non, attends, Mike, tu te laisses amadouer. Non, mais attends, Sandra. Il se laisse influencer. Sandra, c'est, il faut qu'il pète. Œuf suivant. Et c'est le dernier pour l'instant. Zéro. Pour l'instant, zéro. Non, personne en fait. C'est moi qui ai le plus. Allez, allez. Pour l'instant, je garde l'œuf. Tire plus fort, Sandro. Ouais. Si on va par là, moi j'ai fait 3 impacts différents, je devrais être à 50, 60. Oui, mais tu 70. Devrais, mais malheureusement, l'œuf a éclaté avant son arrivée. Oh, 50, non, 100, 100. Ouais, 100, je sais pas si t'es au-dessus ou en dessous de la ligne. Dans le nez. Points. Oh là là, violence. Ça une gueule. Au montage, on pourra mettre le A au moment où ça touche. Oui, oui, si c'est possible. C'est à toi, Mike, tu fais ou pas? Non, il joue pas, Mike, il veut pas. Ouais, je vais jouer, ouais. Chez Sandro, tiens, je vais essayer de faire mieux. Mais toi, là. Bon, attendez. Attends, laisse faire Mickaël d'abord. Je vais me mettre au même endroit que Sandro. Hein. Ah bah non, non, non, attends, c'est les filles qui se mettent là. Oh putain. Bah ouais, attends. C'est relou. En plus, ça va, t'as de la force. Alors, on est en train de faire le jeu de lancer des œufs, c'est ça? Alors, on fait la chasse aux œufs. Non, non, on fait le jeu le plus débile. Bon, alors. De toute façon, je m'en fous, je vois plus rien. Donc, il y a sur les nets. Vas-y, Pablo. Donc, Mike, il est au lance-pierre, là. Ouais, et Toff est au fond du studio avec une cible autour de lui avec 5 points, 10 points, 50 points et 100 points. Et des milliards de protections. Et voilà. Et le but du jeu, c'est... J'ai peur d'avoir un problème de lancement, mais... C'est tirer les œufs. Tu vas le péter dans ta main. Ouais, là, je vais le péter dans la main, là. Ça peut être dangereux, là. Avec un lance-pierre. Je vais casser aussi, là. Comme ça, tiens-le comme ça. Comme ça. Voilà, là, ça risque rien. Oulala, oulala, oulala. Ça va être violent. Non, non. Oulala. Attends, je vise. Oh, en pleine tête. Et là, c'est un 100, là, un 100 bonus. Vais-je arriver à 200? Là, il y a match nul entre Sandro et Mike pour le moment. Ouais, mais attends. Si Mike il tape dans la cible, il a gagné. Qui plus est, si je puis me permettre, je suis plus loin. Alors ouais, attends, ça compte pas ça. Oui, mais enfin bon, quand même, merde. Bon, alors attention. Dans Pablo. 1. Allez, deux, je garantis pas. 3. Hein. Il faut là. Et si je vise les cheveux, j'ai 200 points? Non, ça compte pas les cheveux. Ah, un si, shampoing aux œufs. Oh, ah, c'est moi qui ai gagné les gars. Non, c'est égalité. J'ai gagné. Ah, oui. Il va falloir départager. Ah ouais, d'accord. J'en retire un. Non. Pas la main. J'en retire un. C'est dommage, j'ai touché la tête, mais il a pas pété ce connard d'œuf. Bon, ouais, voilà. C'est dommage. Cela dit, je peux changer la règle. Non. C'est le dernier tir. Tout se joue maintenant. Attention. Oh, oh. Oh, il lui a éclaté l'œuf, mais bingo, pleine gueule. Allez, Sandro, à ton tour. Ah, je ferais pas mieux là. Bon, je vais me remettre à ma place. C'est bon là. Non, l'œuf il explose avant. Comme moi. Ah ouais, mais ouais. Tout est jouable. Le truc, c'est que l'œuf a explosé avant d'arriver sur Toff, mais que quand même Toff s'est reçu tout le jaune dans la gueule. Attends, Sandro, je sais pas ce qui se passe. Voilà, alors, Sandro, vite, pas 3 heures, on a la pub à mettre, et il y a Toff à laver. Vas-y. Oh, il a pas explosé. Il n'a pas pété. Et nous sommes. Bon, bah, tu sais quoi, on va le partager. Hein. Allez, je te l'offre, j'aime pas le chocolat. Remets la cible, Toff, il y a quelqu'un qui va tirer. Qui va tirer? Bah c'est fini là. Oh. Stop. Nous avons assez tiré maintenant. Allez, pub. Oh, Pedro. Tu vois, t'as encore fait le malin. T'as voulu faire le malin. Bah bravo. Bon. Victoire. Victoire commune. Et je suis bon prince, j'offre le chocolat parce que je ne l'aime pas le chocolat de toute façon. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Ne t'inquiète pas, ça aurait été un paquet de bonbons, t'aurais pu te le foutre dans le fion. Merci. Je le dis direct. Et elle est contente et tous ces kilos qui vont venir et ces mais kilos. Mais non, c'est exceptionnel. Et ces kilos. Tu pourras partir un peu avec Toff, hein. Oh. Oh, ça y est, un orgasme. Oh. Très bien. Bah, en parlant d'orgasme, pardon, on va revenir avec Ludivine et avec Alex dans un petit instant. Restez bien là, on se met un peu de pub derrière Lady Gaga avec Beyoncé pour téléphone. Bouge pas. On compte ses économies. Bien manqué. Et Mickaël revient juste après ça. Lady Gaga et Beyoncé à l'instant avec téléphone sur Énergie. 21h minuit tous les soirs, vous lâchez vos messages. Ça y est, j'ai reçu la vidéo de Ophélie. Ah, alors, la vidéo. Le problème, c'est que rien ne dit qu'elle est vraie, même si on voit que la vidéo a été faite avec un téléphone portable parce que l'image est pourrie. Mais voilà, rien ne dit que c'est vraiment toi, Ophélie. Donc voilà, on a Ophélie là, je mets un écran un peu plus grand. Sandro est même venu, ça l'excite apparemment de voir des meufs qui se touchent. Sandro ne dit rien. Voilà, donc on malheureusement on voit rien, hein. C'est ça qui est dommage. Mais voilà. Elle est des gros tétons quand même. Hein. Ouais, bah écoute, en tout cas elle est bien fournie à ce niveau-là. Hein. Mais c'est dommage, tu rates la fin, Toff. Ah quoi, il y a quasiment la fin. Ah bah oui, après elle descend. Ah pardon, t'as pas moi. Ouais, t'as, par contre, il y a un peu trop de rapidité, donc le téléphone n'a pas beaucoup le possibilité dessus. Par contre, ça a l'air bien entretenu. Hein. Ça a l'air bien entretenu, ouais, donc voilà. Mais malheureusement, on ne sait pas vraiment que c'est toi. Si tu peux recommencer en mettant et Mickaël sur ta main, par exemple, hein, n'hésite pas, bien sûr. Et encore, toi, Sandro, tu fais des yeux, mais t'as pas vu la fin. Non, je souhaite pas voir. Ah, tu veux que je l'envoie? Oui, si tu veux. Non, ah mais, bon. Voilà, donc Ophélie, n'hésite. Enfin, c'est incroyable, les deux pervers qui étaient derrière moi, là, pour Pedro et Micha. Bah, toujours les mêmes, hein. Ouais, tu vas la rappeler, ouais, c'est ça, ouais. Donc, n'hésite pas, Ophélie, hein, si tu veux me renvoyer une avec une preuve. Hein. Pourquoi elle envoyait ça déjà, je sais plus. Je sais pas, écoute. Si, hein, y avait un échange de prévu, normalement. Un échange? Je crois, oui. Ah non, c'est Roux qui avait dit oui, je t'offre la Xbox, tout le bordel. Mais c'est une vanne. Faut-il qu'on soit sûr, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est ça le truc. Non, c'est chocolat, toi, Sandro. Ouais, j'ai gagné. Oui, mais enfin, c'est pas une raison pour te bouffer. Non, je bouffe pas, j'ai partagé. Pas le premier soir. Ça y est, j'arrête. Ouais, c'est ça, t'arrêtes. Ouais, je commence à avoir mal au ventre. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Bon, avant de reprendre Ludivine et Alex pour parler des règles pendant l'amour, Micha va nous trouver des gens qui aiment et qui n'aiment pas. D'ailleurs, si vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas. 612, débutez votre message par énergie et vous laissez votre numéro de téléphone ou alors sur emikael.fr en cliquant sur la communauté pour venir rejoindre tout le monde sur le Twitter de l'émission ou sur le groupe Facebook. Et nous avons Antoine qui est là maintenant, 16 ans, de Ilkirchha. Salut Mickaël, toute l'équipe. Comment ça va? Salut. Ah, ça va bien et vous? Bon, très bien, ouais. Ah, y a Jennifer qui dit sur le groupe Facebook, merci pour la découverte de Walid, fou rire à la maison, j'en ai réveillé mon fils. J'y cherche trois fois. Oui, bah, elle était bien, c'est ça le nouveau son de Walid. Walid, c'est pour Alison. Hein. Dis-moi pourquoi tu fais ça. Et ça, c'est la nouvelle. Alors écoutez pour ceux qui débarquent. J'y cherche encore. Je cherche trois fois, quatre fois, cinquième fois. Je cherche encore. Trois fois, cinquième fois, sixième fois. On en mettra plus tout à l'heure, même si on en a déjà mis un petit peu plus tout à l'heure, mais on remettra le couvercle. T'as entendu ou pas, toi, Antoine, un peu tout à l'heure, la chanson de Walid? Ah ouais, j'ai entendu, c'est excellent. La balle, hein. Tu vas l'écouter à fond sur dans ton iPhone, d'iPod, tout ça. Ça va être la seule musique que j'aurai. Hein. Mais tu m'étonnes, mais c'est normal. On essaiera tout à l'heure avec Shazam, le petit programme qu'il y a sur les iPhones, entre autres, pour, tu sais, qui détecte la chanson et qui arrive à savoir quel chanteur c'est. Ça se trouve, il va peut-être lui mettre James Blunt. C'est la version originale. Bah, il se cale sur quoi? Sur l'instru? Sur un peu tout, je crois. Il y a plusieurs trucs, quoi, qui rentrent en compte. Donc, je sais pas trop, mais on va. Bah, le piano du début, c'est facile à reconnaître. Ouais, bah, je suis passé à côté, figure-toi. Pourtant, Dieu sait qu'on l'a entendu, cette chanson. Hein. Mais, oui. Ah, putain. Vas-y, fais péter le morceau, là. Mais c'est le principe d'un grand artiste de te faire oublier la version originale. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un grand artiste, hein. C'est un grand artiste. Bon, on le mettra tout à l'heure. Antoine, alors, on va te faire un petit GAV. Ouais. Comment ça? Bah, cache ta joie, hein, dis donc, hein. Ah non, mais je suis heureux, mais... Ah bon, t'es stressé. Ouais. Très bien. Alors, Antoine, on va donc faire un GAV, on appelle qui? Mon père. D'accord. Comment s'appelle monsieur? Alors, il s'appelle Patrick. Attends, juste une seconde, c'est quand même le truc exceptionnel. Elle vient de bouffer du chocolat et maintenant elle sort un yaourt nature, light. C'est pour faire, oh, bah, tu sais, bon, je suis au régime. Mais c'est toujours rassurant. Je suis au régime, tu comprends. Je vois écrit 0% dessus, ça me rassure. Ouais, mais comme t'as fait 160% de sucre à côté avec le chocolat. Ouais, mais je vais pas le manger, mon yaourt. Ah ouais. Il faut choisir un moment. C'est ça, à un moment, choisis de pas manger le chocolat et mange le yaourt. Mais 0%. Non, parce que c'est bon pour la santé, le chocolat. Il faut savoir en manger de temps en temps. Tu sais qu'un carré de chocolat, c'est bon pour la santé. Au-delà, après, ça... J'en ai mangé deux. Oui, bah oui, non, t'as mangé 12 œufs carrés. Oui, mais. Ouais. Comme j'en mange une fois par an. C'est ça. Ça va. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme connerie, c'est ouf. Tu dois avoir 120 ans alors, ouais. Aujourd'hui alors. Ouais, mais moi je fais les abdos Britney Spears. Ah, c'est de nouveau Britney Spears maintenant. Voilà, je suis retournée à Britney Spears. Ah, parce que là c'était. Avant j'avais cru que c'était les abdos à Mandou Mariam. Suzanne. C'est les abdos à ta mère, si tu veux tout savoir. Oh, d'accord, très bien. Comment elle s'appelle, Sarah? Ma mère a défi au sport bouffonne. Ah bah, qu'elle vienne, oui, elle peut nous abdos. Qu'elle vienne ici, hop, on démarre les abdos. Je peux taper une barre de rire si ta robe est bien. Ouais, c'est ça, on fait un défi d'abdos. Elle fait Koh-Lanta. Sérieux, sa mère, elle peut faire Koh-Lanta. Elle fait Ivry-Lanta, à la limite, mais Koh-Lanta. Elle fait Koh-Lanta, sa daronne. Tu rigoles, elle fait Koh-Lanta, sa daronne. Ouais. Bah, qu'elle vienne. Non. Allez, roue. Non, tu risquerais de la reconnaître, c'est une personnalité publique. Quel mytho, alors. Bon, allez, Antoine, on y va, on appelle ton père. Tu vas lui faire croire quoi? Alors, en fait, ce soir, je devais aller chez ma sœur et son petit copain. Ouais. Et donc, je vais dire que je suis pas allé, je suis allé boire un verre avec des potes en ville. Ouais. Et le truc, c'est qu'on a commencé à déconner, on était éméchés, limite bourrés, quoi. Mm-hmm. On est allé devant le commissariat, on a commencé à caillasser les voitures de policiers. D'accord. Après, les policiers sont sortis, ils ont essayé de nous maîtriser. On a un peu beaucoup résisté et finalement, ils nous ont... Enfin, j'étais le seul à me faire choper, les autres, ils se sont cassés, quoi. Bien évidemment. Très bien, d'accord, ok, parfait. Bon, on y va, on l'appelle. Au plus, il s'énerve, au plus, t'as de chance de repartir avec les cadeaux. Merci. Et bah voilà, je crois que c'est tout. On est dans quel commissariat? Commissariat de Strasbourg, ça ira. Strasbourg. Il habite loin ou pas? Ouais, je pense pas qu'il risque de débarquer, enfin... D'accord, ok. Très bien, parfait. Et il y a deux numéros, Michael, prends celui qui commence par 03. Ouais, le fixe, donc. Ok, ça va, c'est parfait. On y va, on l'appelle. Bonne ouais. chance. Bien sûr, t'es avec nous, donc si on pose des questions ou si on parle, tu nous réponds, forcément. Allez, hop. J'ai pas compris. Non. Une fois. Allô? Allô, papa? Oui. Ouais, c'est Antoine. Oui? Ouais. Je t'appelle parce qu'il faut que je te dise un truc, j'ai un problème. Un problème? Ouais, tu vois, ce soir, je devais aller chez Marine Espan. Oui? En fait, je suis pas allé, quoi. Enfin, je suis allé boire un verre avec des potes en ville. Et le truc, c'est que t'as commencé à être éméché, limite bourré, quoi. Et le problème, c'est qu'on est allé jusqu'à devant le commissariat. Enfin, voilà, quoi. Et on a commencé à caillasser les voitures de policiers. Mais... Quoi? Non mais attends, le truc en plus c'est qu'à un moment ils sont sortis pour essayer de nous maîtriser quoi, pour nous interpeller. Et on a résisté quoi, enfin on a foutu des coups quoi. Enfin là je suis un peu dans la merde. Tu rigoles? Non. Faudrait que tu m'aides. T'es où là? Je suis au commissariat là, Strasbourg. Au commissariat? Oui mais je te dis on allait devant et ils nous ont interpellés. Qu'est-ce que tu fous au commissariat? Non mais je t'ai dit on est allé quoi? Et je suis ta sœur là. Je suis allé boire un verre avec des potes en ville, on a déconné et tout. Bon jeune homme, il s'agirait de pas raconter toute votre vie, hein, vous deviez juste. Non mais attendez monsieur, faut que je lui explique, enfin voilà quoi, enfin. C'est qui ça? C'est le policier là. Passe-moi un peu. Ouais monsieur, mon père il veut vous parler. Passez-le-moi. Oui. Allô? Allô? Bonsoir monsieur. Bonsoir. Voilà, donc je vous appelle par... Enfin, je vous appelle. C'est par rapport à votre fils, hein, donc il vous explique un petit peu la situation. J'ai pas vraiment compris, là. Commissaire Gerbert, ici au téléphone, hein. Donc, alors, je vous explique. Nous avons interpellé votre... C'est votre fils, c'est bien ça, hein? Vous parlez de qui, là? C'est quoi son nom? Comment ça, c'est quoi son nom? Vous faites le malin ou je rêve? Vous êtes qui? Est-ce que vous êtes le père ou est-ce que... Vous êtes qui? J'ai parlé à Antoine. Oui? Et vous faites... chez sa sœur. Ouais. Non, il est passé chez sa sœur, il est avec nous. Il est avec vous où? Au commissariat de Strasbourg, monsieur. Je ne sais pas s'il vous a tout expliqué ou s'il vous a menti, mais vous n'avez pas l'air d'être au courant de ce qu'il a fait il y a quelques heures. Une histoire de caillassage de voiture. Oui, en l'occurrence, la voiture de la gendarmerie, monsieur. De la gendarmerie. C'est pour ça que nous l'avons interpellé. Malheureusement, nous n'avons réussi à voir que lui, puisque ses amis ont réussi à nous échapper. Donc il serait éventuellement judicieux de votre part de venir le chercher. Oui. Voilà. Est-ce que vous pourriez passer ce soir? Là maintenant? Oui, enfin bon, pas dans la minute. On peut un petit peu attendre évidemment, mais faudrait passer dans une heure éventuellement. Ça vous dirait ça ou pas? Vous l'avez interpellé? Oui, puisqu'il est avec. Il est avec. Bah, écoutez, c'est normal quand même. Si quelqu'un démolit votre véhicule, vous voulez pas qu'on l'interpelle. Et au trou, je vais pas venir le chercher, moi. Ah ben, on peut le garder si vous voulez. Moi, c'est pas un problème. Hein, moi, je dis. Ah, donc je le garde. Bah, évidemment. Bah, écoutez, alors, alors très bien, parce que là, le problème, c'est qu'il est mineur. Non, mais là, il est mineur. Bah oui, il est mineur. Et alors ? Non, non, d'accord, ok, très bien, parce que là, techniquement, moi. Les mineurs, ils peuvent caillasser les voitures et puis le papa, il va les chercher. Ah non, bah, c'est à dire qu'il faut payer l'amende, hein. On comptait pas vous le rendre comme ça, si vous voyez ce que je veux dire, là, bon. Parce que non, là... non, j'ai pas payé d'amende, moi. Ah ben, la gendarmerie a porté plainte, déjà, hein. Attendez, c'est la gendarmerie, c'est quoi ça ? C'est la police, là ? Oui, c'est la gendarmerie, c'est le véhicule de la gendarmerie qui a été démoli. Ils ont on sait bien que les gendarmes ont autre chose à faire, hein. Donc du coup, c'est le commissariat, la police, qui est venu le chercher. Ouais. Voilà. Eh ben, gardez-le. Oui, bah alors on va le garder, effectivement, mais au niveau de l'amende, parce que vous venez le chercher aujourd'hui ou demain, il faudra payer l'amende, hein. Il n'aura qu'à payer, hein. Il n'a qu'à faire la vaisselle chez vous, hein. Oui, non, mais comment vous expliquer, il n'y a pas de vaisselle, c'est pas un restaurant, monsieur, c'est le commissariat. Mais... Il n'a qu'à laver les carreaux, là, monsieur. J'entends bien, sauf qu'il est... Les non, il s'est compris. Il a les chiottes, il a... Écoutez, regardez, monsieur, un petit peu de sérieux, il est mineur, vous êtes donc son responsable, entre guillemets, et il y a un moment, il va falloir payer, hein. Vous avez demandé la police. Non, j'ai pas demandé la police. Allô ? Allô ? Oui, allô, excusez-moi, monsieur, j'avais un autre appel, je l'ai transféré. Donc, il va falloir payer, hein. Oui, bon. Il faut payer combien ? Alors, attendez. Vous avez demandé la police. Ne quittez pas. Non. Voilà. 750 euros, monsieur. 750 euros ? 750, oui. D'amende ? Ah oui, oui, bien sûr, oui. Plus la bagnole ? Non, la bagnole, ça fait partie de l'assurance. Bon, c'est sans ça. Écoutez, je vous repasse votre fils un petit instant, le temps que je vois deux, trois détails au niveau des papiers, d'accord ? Oui. Jeune homme, vous pouvez repasser, je vous repasse votre père. Ok. Papa ? Qu'est-ce que c'est cette affaire-là ? Non, mais 450 pas... euros. Non, mais... Ça va pas, non ? Non, mais papa, je suis dans la merde, là. En plus, les policiers, ils sont chelous, là. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils sont quoi ? Mais ils sont chelous. L'autre, ils me parlent bizarrement, en plus. Attends, c'est plus de toi qui parles bizarrement, là. Ils sont quoi ? Mais ils sont chelous, je sais pas, on dirait ils puent l'alcool déjà. Franchement, ils sont chelous. Monsieur, un petit peu de respect, s'il vous plaît, hein. Je vous rappelle que vous êtes toujours en commissariat et que vous êtes à côté de moi, hein. Non, mais je parle pas Antoine, de vous. Antoine, arrête. Non, mais papa, il faut que tu viennes me chercher, là. T'arrêtes. T'aggraves ton cas. Non, mais papa. Tu les traites d'ivrognes en plus, alors là, t'es mûr, hein. Arrête. Non, papa, calme-toi, s'il te plaît. Non, mais franchement, il faudrait que tu viennes me chercher, là. Et l'amende, je peux pas la payer, moi. Bon, écoutez, jeune homme, dites à votre papa, éventuellement on peut arrondir à 500 euros et il passe vous prendre ce soir. On fait pas de papier et puis comme ça tout le monde est content. Papa, le policier là, il veut bien faire un arrangement, payer 500 euros. Je sais pas comment il fait, mais il veut bien que payer 500 euros et tu viens me chercher ce soir. Ça va pas, non ? C'est quoi cette affaire là ? Mais papa, je sais pas. 500 euros en black ? 500 euros, ouais. Je sais pas le sans blague, mais il m'a dit on peut faire un arrangement. Bien sûr, monsieur, je vais pas faire une facture. Ouais, ben voilà. Ouais, on n'est pas chez Carrefour. Allez, une contravention. Hein ? Bah, c'est quoi cette affaire-là ? Passe-moi un peu le policier, là. Il est policier ? T'es sûr que c'est un policier ? Bah, je suis au commissariat, il a une tenue, je pense que oui. Enfin, voilà, quoi. Monsieur le policier, mon père, il voudrait vous reparler, là. Oui, bien sûr. Oui, allô ? Oui, c'est bon, quoi, est-ce que de... votre. Bah écoutez, c'est-à-dire que. Où, là non, écoutez, moi c'est plus pour aider, hein. Comme vous aviez dit que c'était votre fils qui devrait payer l'amende, nous on essaie de rendre service, hein. Vous savez, c'est les jeunes, hein. Donc voilà, à la place de payer 750 euros et nous après on se fatigue à faire les papiers, vous savez ce que c'est, hein, la paperasse. Bon bah là on fait à 500, il s'en va et puis on fait comme s'il était jamais arrivé. Les 500 euros ils vont où ? Hein ? Les 500 euros ils vont où ? Ah bah ça ils vont pour les bonnes œuvres de la police, hein. Voilà, pour les bonnes œuvres. Oui, c'est ça. Attendez, on est en France ici. Oui, on est pas en République bananière. Non. Eh ben, on va faire les papiers, hein. Non, mais. Et moi, je vais vous envoyer les bœufs carottes, hein. On va faire les papiers en bonne règle, hein. Et vous allez me refiler vos noms, matricules, machin et tout le bazar, hein. Non, bien sûr, monsieur, je dis ça pour rendre service. C'est ça, rendre service et enfiler 500 euros dans la poche. On peut faire 400 si vous voulez. Vous manquez pas de culot. Non, bah, 400. Oh, attendez, là. Bon, oui. C'est au commissariat, mais j'arrive, hein. Pourquoi vous voulez venir ? Là, on va fermer, de toute façon, hein. Comment ? Je dis là, on va fermer. Comment vous allez fermer ? Oui, bah, il est 23h05, là, on a déjà 5 minutes de retard. Chef ? Donc, je pars du principe que vous êtes d'accord ? mais je suis d'accord sur rien du tout. Je viens chercher mon fils, on fait les papiers, vous me refilez votre nom, matricule, machin, bidule, et demain vous allez voir. Hein. Non mais à ce moment-là, il va falloir payer 850 euros maintenant. Hein. 750 euros. Ah non, oui, mais ça a augmenté, parce que là, maintenant, on est en heure de nuit, puisqu'il est passé 23 heures. Hein. C'est le service de nuit. Règle, et je vous colle deux... Non, mais, bon, enfin, monsieur, vous êtes gonflé quand même. Comment je suis gonflé? Vous êtes gonflé. Je suis gonflé maintenant. Mais excusez-moi, mais permettez-moi de vous dire que vous êtes gonflé. J'essaie de vous rendre service et vous m'envoyez les bœufs carottes. Vous voulez m'arnaquer de 500 euros? Ah bah non, parce que j'essaie de vous faire payer moins. Pour votre poche? Non, c'est-à-dire que les 750 euros, je vous ai dit que c'était pour la communauté de la police. La communauté de la police? J'arrive. On fait les papiers. Vous non, mais... votre nom. Non, mais monsieur, monsieur. Non, mais on monsieur. Verra ce qu'on verra. Monsieur, bon, allez, 250 euros. Pas du tout. Non, pas bon, allez, 100 euros, mais en dessous, je peux pas aller, hein. 750, les papiers, le matricule, c'est tout. Ah non, non, si vous voulez matricule, c'est 100 euros. C'est normal, il faut refaire des fouilles. Bon, on regarde ça. On fera les papiers. Donc ça fait. Signé, ça fait 950 euros. Ah allez, bon, allez. Non, mais écoutez, vous allez où? Vous allez où, monsieur? On va fermer là, vous allez arriver devant le poste, il sera fermé. J'arrive, c'est quel commissariat? C'est Strasbourg. Oui, Strasbourg, Strasbourg. Il y a combien de commissariats à Strasbourg? Bah écoutez, cherchez-le. Hein. Comment chercher? C'est la surprise. Mais c'est vous la police ou quoi? C'est celui qui est fermé, vous allez voir les volets baissés, c'est le nôtre. Et comment est-ce que vous voulez récupérer mon fils, moi? Ah bah ça dépend, donnez 100 euros. Je sais pas, vous donnez 100 euros si je suis pas au commissariat. Ah, écoutez, c'est vous qui chipotez pour des détails, hein. Un détail. Mon fils, je vous le repasse. Oui. Jeune homme, tenez votre père. Écoutez, calmez-vous. Tenez votre père, il est d'accord. Hein, donc il donne 200 euros et puis vous pourrez partir ce soir. Chef, dites-lui de les passer sous la porte au pire. Hein. Ah oui, on peut les passer sous la porte, dites-lui, jeune homme. Ça va? Oui. Attends, tu rigoles? Bah, moi qui non, me propose de filer 200... Combien? Je sais pas, moi. Combien vous voulez, monsieur, pour... Ah, bah, 200 euros, hein. 200 euros, il veut... c'est pas très cher. Enfin, au départ, c'est 150. 300, on peut 300. Pas faire ça. 300, non, 300. Si, si, on peut. Non, 300. Je ne veux pas. Si, si, on peut. Pas. Je veux leur nom. En leur nom. En plus, ces gens, ils m'ont pris... J'avais de l'argent dans mon portefeuille et j'ai dû leur donner tout ce que j'avais. Là. Ils m'ont forcé. J'ai resté à 50 euros pour aller en ville et ils m'ont pris, là. Mais non, c'est pour pas que tu t'étrangles avec. Attends, mais je vais... C'était avec les gendarmes. Je vais appeler les gendarmes. On va venir avec les gendarmes. Oh là là, je chipote pas, hein. C'est, ah, monsieur, vous êtes bizarre, permettez-moi de vous le dire. La majorité des gens, ils acceptent l'offre. Et vous chipotez. Qu'est-ce la majorité des gens. Qu'est-ce que c'est votre métier? C'est quoi votre métier? C'est de l'arnaque. C'est quoi votre métier? C'est... Mais... Quel commissariat? Dites-moi directement, c'est quel commissariat? Quel est votre métier? Quel est votre métier, monsieur? Votre profession? Quel est votre métier? Bon, jeune homme, quel est votre le métier de votre père? Demandez-lui, je sais pas, il va pas vous le dire. Non, mais répondez, hein, écoutez, on va pas y passer la nuit quand même. Monsieur, quel est votre métier? Les gendarmes, je connais. Bon, je vais les prendre avec. Vous êtes quoi? Je paierai la bagnole, je paierai tout, mais vous irez au trou. Vous êtes quoi comme métier? Militaire. Ah. Ok, gendarme, je connais. Quel grade? Un petit... Oh, il est colonel. Ah, pardon. Bonsoir, mon colonel. Oui, bonsoir. Ben, je n'ai rien à voir. Non, écoutez, c'est-à-dire que là, je suis moi-même le patron de la brigade. Effectivement, la personne a été renvoyée, hein, donc... On va laisser partir votre fils, là, on va le ramener chez vous, hein. Gratuitement, bien sûr, hein. On fera du contribuable, hein. On va lui donner des... Oui. On va vous le ramener ce soir, là. Donc, le commissaire Gerbert a été suspendu de ses fonctions. Hein. Ouais. J'attends. Vous attendez. Je l'attends et on s'expliquera. Qui ça, le commissaire Gerbert? Fou. Ah non, mais il est déjà condamné, là. Il est dans le couloir de la mort. Amenez-moi mon fils, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On va oui, mais... au bout de amenez, on s'explique. Oui, mon colonel. Oh putain, hey, Antoine, tu dois pas rire tous les jours, hein. Oh là là, c'est dur. Son lit doit être fait, mais bien fait. Grave. Bon, mon colonel. Ah oui. Bon, c'est... Non, bah non, c'est fini. Dis-lui, Antoine, j'ai peur. Papa. Oui. C'est une blague, en direct à la radio sur Énergie, c'était le GAV. Sur quoi? Sur Énergie, c'est une radio, c'est... C'est une blague. Ouais, on n'est pas le vrai commissariat. c'est pas un débarque pas au commissariat, ça sert à rien. Enfin, vous êtes en direct à la radio sur NRJ, papa Patrick. Ah, ben c'est mal, hein? Oui, on a trouvé ça aussi. Bon, c'est une idée de Bossfix, hein, parce que nous, d'habitude, on passe de la musique à ce temps-là, il a voulu faire absolument un truc, bon, nous, on l'a fait, quoi. Mais il est où, là, alors? Là, il est chez. T'es où, là, Antoine? Chez ma soeur, là, chez ma soeur. Ah, il est chez la soeur, d'accord, ok, très bien. Parfait. Ah, bah oui. Bravo, c'était bien. Bon, Antoine? Ouais. Tu préfères une Xbox 360 ou un baladeur MP3 16 Go? C'est quoi le baladeur? Bah c'est un baladeur, un truc portatif. Ah voilà, Xbox. Ça c'est moins portatif par contre, hein, mais bon. La ouais. Xbox 360 Elite pour toi alors Antoine. Ouais c'est cool, c'est super. Et merci. Papa, vous allez de temps... mon colonel, vous allez de temps en temps au cinéma ou pas? Ah bah oui, tous les dimanches. Ah bah attends, bah ça tombe mal, les places sont pas valables le dimanche. Vous voulez pas aller à l'autre jour? Gratuit. Ah bah oui. Le vendredi soir. Voilà, le vendredi soir par exemple, avec, madame la colonelle. Ou avec qui vous voulez, peu importe. C'est pas colonel. Ah bon, bah tant pis, c'est pas grave. Oui, c'était quoi en fait votre vrai métier? Bah il a dit. Ah, à l'armée? Bah oui. Ah bon, mais pas colonel? Bah si. Ah bah non, mais ma femme, elle est pas colonel. Ah oui, non, mais c'est pas grave. Bah oui, mais enfin, on appelle madame la colonelle quand même quand c'est la madame. Non, mais elle a pas besoin de bosser, non? Oui, voilà, c'est ça, elle est là, elle est très bien. Bon, j'ai rien compris. C'est pas grave. À la maison, elle est générale, c'est elle qui commence. Ah oui, ça c'est sûr. Ah ouais, c'est clair, ouais. On va vous filer les places de ciné. Alors, il faut bien que quelqu'un commande. C'est ça. On va vous filer les places de ciné, Patrick. Ok, c'est sympa. À bientôt, Patrick. Vas-y, Antoine. Alors, dédicace à Marine, Stan, Adrien, Martin, Jonathan, Tristan, tous ceux qui me reconnaîtront à la seconde du coup final. D'accord, ok, le message est passé. Salut Antoine, à bientôt. Ciao, bye bye. Bon, on va faire le mag dans un petit instant. On va d'abord mettre le son de Bienvenue à Paris, le nouveau son du Sicrou qu'on écoute maintenant, et puis très en retard le mag juste après, restez là. Comme d'habitude, j'étais très mauvais, ça ne changera c'est rien. C'est pas vrai. Mais non, parfait. Mais oui, plein de messages qui sont arrivés là. Je vais demander sur le groupe Facebook de balancer vos avis sur la nouvelle parodie de l'émission Bienvenue à Paris. Elle déchire grave, reconvertis-toi dans le rap, Michael. En même temps, je chante pas beaucoup de ma chanson. Hein. Ça déchire, c'est Brunel qui avait envoyé le message. Donc Brunel, j'avais jamais entendu. Excellent, super, merci. Ça gère, Marseille le mieux. C'est Victoria qui avait envoyé le message. Léa qui dit, elle est super la chanson. Ça déchire super bien, cool. À quand la prochaine? Elle a une semaine celle-là, oui. Reste un peu calme. Et normalement, micro, hein. Elle sera en ligne ce soir. Oh, ben normalement alors. Hein. Je m'enflamme pas, j'annoncerai demain. Oui. Quand je la verrai moi-même. Bah, voilà. Ce sera normalement ce soir, elle est bonne. Ce sera plus sûr quand je la verrai moi-même. Voilà. Séverine qui adore aussi, bon, ben tant mieux. Allez, c'est parti, on va faire le mag du jour parce qu'on est bien en retard. Bienvenue à tous dans ce mag du jour. On va se faire les premières infos maintenant de ce premier lundi du mois d'avril, l'essentiel de l'actu revisité à notre sauce. On commence donc de suite avec la politique intérieure dans un souci d'en revenir aux fondamentaux après l'échec des régionales. Nicolas Sarkozy envisage d'adjoindre un secrétaire d'État à la sécurité publique au ministre Brice Hortefeux. Le président pourrait donc bien installer un tandem à l'intérieur. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'il paraît que Carla Bruni aussi elle a installé un tandem dans son intérieur. Oh. Bon, les miracles en Chine, 115 mineurs ont été remontés vivants aujourd'hui d'une mine inondée où ils ont passé plus d'une semaine dans l'eau et l'obscurité. L'état des rescapés qui ont survécu grâce à un trou creusé la semaine dernière par les sauveteurs pour leur apporter de l'air est jugé stable par les médecins. Alors, je sais pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Chaque année en Belgique, il y a des centaines de mineurs qui sortent du vol leur trou et on n'en fait pas toute une histoire. Hein. Allez, super transition, merci Rouf. Hein. On va rester dans la pédophilie. Le scandale continue au sein de l'église avec de nouvelles révélations de prêtres pédophiles. Mais pour les fêtes de Pâques, le pape et ses principaux cardinaux ont décidé de ne pas céder aux jacasseries du moment, comme l'a déclaré le doyen Monseigneur Sodano. Pardon. Il semblerait pourtant que dans les années 80, les habitudes d'envoyer des prêtres pédophiles dans d'autres paroisses, donc... En France, c'est Monseigneur Gaillot qui a reconnu avoir accueilli un prêtre canadien alors qu'il avait fait de la prison pour pédophilie. Dans une interview accordée aux Parisiens, Monseigneur Gaillot dit regretter d'avoir accepté Denis Vadeboncoeur dans sa paroisse. Ouais, c'est ça son problème en fait, c'est qu'il allait trop de bon cœur avec les enfants. Ouais. Bon, et on a justement au téléphone maintenant un prêtre qui a souhaité apporter son témoignage. Oui, allô? Allô, oui? Oui, allô, bonjour. Oui, allô. Bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, comme on peut le comprendre, vous avez souhaité garder l'anonymat? Oui, bien, je veux pas que tout le monde sache que je m'appelle Étienne Labien. Hein. Oui, évidemment. Bon, et donc, vous avez vous-même connu des prêtres pédophiles? Oui, on peut voir ça comme ça. C'est que quand je suis devenu prêtre, je savais pas trop comment faire avec les enfants de cœur. Alors, on demandait aux enfants comment ils aimaient mon prédécesseur, comment ils les récompensaient. Et alors, ils m'ont répondu simplement, c'est pour la masturbation, c'est un mars. Pour la fellation, ils offraient une glace. Et pour le petit oui, trou, non, on a compris. C'est gentil. Merci. Alors, j'ai acheté des glaces, tu comprends bien. Je voulais pas décevoir les enfants. Merci. Bon, monsieur Labien, merci d'avoir accepté de témoigner. De rien, mais dis pas trop que c'est Étienne Labien, mon nom. Je veux pas trop qu'on me reconnaisse. Non, ben rassurez-vous, vous resterez anonyme. Oui, anonyme, mort. Vous passerez incognito. Vous serez bientôt mort. Je sais pas ce que tu cherches. Allez, c'est pas grave. Passons maintenant au con du jour. Et le con du jour, bien évidemment, est avec Toff. Oui, tout à fait. Un con américain, puisqu'il s'appelle Donald Wolf. Et il a 55 ans. Jusque-là, ça va. Jusque-là, tout va bien. Ouais, c'est ça. Sauf que mon con, en fait, a été arrêté pour ivresse sur la voie publique. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'il a arrêté du titre de con du jour. Ouais. En fait, mon con rentrait chez lui, il avait bien bu après un bon repas. Mmh. Et c'est là qu'il croise la route d'un opossum. Ah, très bien. Déjà, mais en plus, donc l'opossum, il a été écrasé par une voiture. Et à ce moment-là de l'histoire, on pourrait se dire, bon, il va le ramasser, il va le manger. Ou il va le regonfler pour jouer au foot avec. Eh bien, non, il a fait pire. Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, mon con, en voyant l'animal, en fait, en difficulté, il s'est dit... Non, je suis un sauveur, je vais lui sauver la vie à cette pauvre bête. Sauf que bon, l'opossum était déjà mort depuis un moment. Mmh. Et comme il était bourré, eh ben, il décide de faire du bouche à bouche au cadavre de l'opossum. Oh. Sauf qu'il y a plein de gens autour donc qui comprennent pas ce qu'il veut. À un moment, il commence même à faire des espèces de rites bizarres, du spiritisme autour de l'animal, en espérant le ramener à la vie, mais... Ouais. Mais non, la bête ne s'en est pas remis. Et donc il a fini en prison. Elle a fini en prison? Ouais. Et donc quoi? De quoi? Pourquoi il a fini en prison? C'est grave. Pour ivresse sur la voie publique. D'accord. Je pensais que c'est parce qu'il faisait du bouche à bouche. Non, c'est juste parce qu'il était complètement bourré sur la voie publique. Et du coup, il a fait des grosses conneries. Moi, je m'attendais à ce que ça parle de cul. Je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bien évidemment. Bon, allez, sport maintenant. Hier, Auxerre a tenu tête au PSG dans un affrontement qui s'est soldé sur un match nul, un partout. Ce sont les Auxerrois qui ont ouvert le score, rattrapé un peu plus tard grâce au Parisien Younous Sankaré qui signait ici son tout premier but en Ligue 1. Ouais, enfin, c'est marrant. Moi, j'ai vu le match. Il avait pas l'air super content de son premier but. Ouais, mais c'est normal, c'est parce que Younous, ils sont carrés. Et une fois n'est pas coutume, people, pour finir ce matin, Evangélie était l'invitée du 6-9 pour parler de la pièce qu'elle joue actuellement. Elle a déclaré qu'elle était devenue actrice grâce au jeu de rôle qu'elle pratiquait au lit avec son compagnon Michel. Mais c'est quoi ces jeux de rôle? Monopoly? Pictionary? Non, c'est en gros des jeux de rôle. Ah, de rôle? Ouais, mais en même temps, elle est forte en jeu de rôle, Eve. Hein. Elle nous avait fait croire qu'elle était chanteuse, maintenant comédienne. Ouais. C'est vrai. Et donc, elle a ajouté aussi, c'est comme ça que j'ai appris à être actrice au départ, en faisant des jeux de rôle. Bah, au moins, elle est honnête. Hein. Elle avoue qu'elle a couché pour devenir actrice. Oui, c'est vrai. Allez, il est l'heure de passer au truc du jour pour finir. Vous avez décidé de partir en vacances au Chili. Non, mais... Comment ça, non? Ah non, j'ai pas du tout envie d'aller. Mais il y a un truc qui vous fait peur. Je ne parle pas des moustiques, ni de la tourista, ni des Chiliens qui peuvent éventuellement faire peur. Si on ne sait pas préparer leur physique, évidemment, je parle des tremblements de terre qui ravagent de nombreux pays comme Haïti, le Japon, l'Italie et bien d'autres. Et bien, grâce au truc du jour, vous allez savoir à l'avance s'il y a un tremblement de terre qui s'approche. Vous pourrez donc vous sauver. La solution, c'est d'avoir sur vous un crapaud vivant, évidemment, puisque d'après une étude parue dans le Journal of Zoology, donc le zoo de la Zoological Society of London, les crapauds aurait un sixième sens leur permettant de sentir l'arrivée d'une catastrophe naturelle. Selon les scientifiques, les crapauds présents sur Terre depuis 450 millions d'années ont eu le temps de s'adapter à ce type de phénomène naturel, l'évolution leur permettant aujourd'hui de détecter certains signes annonciateurs d'une catastrophe. Donc pour partir en vacances désormais, n'oubliez jamais votre brosse à dents et surtout le plus important, votre crapaud. Et puis les filles, si vous l'embrassez, peut-être qu'il se transformera en prince charmant. Qui sait? Bon, fin du mec du jour? Retour du mec du jour un autre jour? Allez, d'accord, c'est parti. On va donc maintenant faire le quiz People. Qui a dit « Je n'ai pas de sentiment en revanche, encore moins de vengeance. Ceux qui pensent que je vais régler des comptes se trompent. » Rachida Dati. Non. Pas Rachida Dati. Non. Acteur. Oui, accessoirement, mais c'est pas son premier métier. Patrick Sébastien. Non. Français. Oui. Francis Lalanne. Non. Femme. On met ça dans son salon en règle générale. Jean-Jacques Lampe. Marcel Canapé. Non. On s'approche. Pierre Table Basse. Non, non, on s'approche encore plus. Table basse, on la met sur Bernard Tapie. Bernard Tapie. Yeah, voilà, déclaration de Bernard Tapie qui a dit dans un entretien au Parisien qu'il n'avait plus de problème avec la justice. Qui a dit heureusement que j'ai trouvé quelque chose, sinon je passe encore 6 mois à faire banquette. Je sais pas. Bah, Marcel Canapé. Non. Jean-Charles Fenêtre. Non. PSG l'indice. Ah ouais, Clément Chantôme. Non. Sébastien Desfêtes. Non. Antoine Camboiré. Non. Attends, Kezman, Mathéa Kezman. Villeneuve. Non. Rail. Non. Laurent Perpère. Non. Répète la phrase. Heureusement que j'ai trouvé quelque chose, sinon je passais encore 6 mois à faire banquette. Jérôme Rotten. Jérôme Rotten, l'ancien joueur du PSG qui joue maintenant à Ankara en Turquie. Et enfin, pour finir, qui a dit je ne sais pas si je me remarierai, j'ai 31 ans, laissez-moi prendre mon temps, j'ai 2 beaux enfants, je veux être à l'aise, je ne suis pas pressé. C'est un Français aussi? Non, c'est un Ricain. Un Ricain qui a 2 enfants, oui. Britney Spears. Non. Homme, femme? C'est un homme. David Charvet? Non. Il n'est pas américain. Ouais, et puis il n'est pas marié. Si, il est marié, c'est à la fin. Il n'a pas envie de se remarier quand il arrive, il est bien avec elle, visiblement. Bon, il a découvert Justin Bieber. Si, si. Usher, bonne réponse, ouais. En réponse à une journaliste qui lui a parlé de sa rupture avec son ex-femme Tameka Foster. Fin du mag du jour et fin du quiz du jour. On va revenir, bien évidemment, dans quelques instants avec un bon son rock de Nirvana. Bouge pas. Bouge pas. Michael engueule son équipe hors antenne. L'émission revient juste après ça. Et on s'en mettra un autre de Nirvana tout à l'heure. C'était Rape Me à l'instant. Ça fait 16 ans aujourd'hui que Kurt Cobain s'est donné la mort. Donc on fait une petite semaine spéciale. Non, il a été assassiné. Oui, enfin l'un ou l'autre, je sais pas trop. Mais son droit préfère les complots. Ouais, ouais, je sais, ouais. Donc voilà, on en mettra un autre tout à l'heure de Nirvana. Si vous avez des propositions à faire, n'hésitez pas. Je ne mettrai pas le Smells Like Teen Spirit parce que c'est le plus connu et parce que j'ai appris en lisant bêtement un truc sur Wikipédia que c'était, enfin je le savais, mais à ce point-là quand même, c'était le morceau qu'il détestait le plus, Kurt Cobain. Il le jouait même plus à la fin. Tellement il en avait plein le cul. C'est logique, hein. Et parce que parce qu'en fait c'était ce morceau qu'il avait fait qui avait fait que Nirvana avait cartonné et comme lui tu sais c'était un vieux grunge, il avait juste une seule envie, c'était de retourner dans son Seattle paumé en faisant la musique dans son garage. Bah c'est pas le grunge, c'est pas d'être blindé aux blindés. Non mais bon, c'est nul de dire que le grunge doit rester Non, c'est pas lui, c'était son délire. Enfin, c'est ce qu'il dit. Après, bah, dans ce cas-là, il reste dans son garage, il fait la musique. Bah ouais, mais bon, après j'en sais rien. Moi, c'est ce qui était dit. Tu es toujours en train de chipoter alors que le mec n'est pas là. Encore il serait là, t'aurais pu dire "Ah mec, tu fous le mec." Non, c'est pas vrai. Arrête. Oh là là. Il a dit ça pour faire bien, c'est tout. Ouais, c'est ça. Je suis en train de parler à Tintin là, je m'en rends même pas compte. Avec sa houppette. T'as toujours la houppette. Oh, elle est mignonne comme ça, laisse-la. Mais comme ça, mec, coupe. Ben non, mais c'est horrible. On remet tout vers le haut, comme ça, on voit pas. C'est horrible. Ah ouais, enfin bon, là aussi, hein, quand même. Ouais, mais c'est moins horrible. Bon, d'accord, ok. Bon, voilà, on se remettra un autre son de Nirvana tout à l'heure. On va faire, dans quelques instants, un petit question pour une réponse. Mais avant cela, nous avons donc Lina qui voulait donner son avis par rapport à Ludivine au niveau de l'amour pendant les règles. Et on devrait avoir Monsieur X aussi dans quelques instants avec Madame X, a priori. Hein, bon, pour la première fois, disons. Oui. Mais enfin, est-ce la vraie ou est-ce celle du soir? Ah oui. On verra, bref. Bon, Lina qui est là maintenant de Strasbourg. Salut Lina. Salut. Comment ça va? Ouais, ça va, merci. Bon. Oui, ça va. Je préfère parler de ce sujet maintenant avant que Monsieur X arrive parce que sinon il va encore être dégueulasse. Et comme on a déjà été dégueulasse ce soir, c'est... C'est pas vrai, c'est pas un mec dégueu, Monsieur X. Non, bah dire ça. C'est peut-être pas la peine d'en mettre 3 tonnes non plus. Bon alors, Lina, tu voulais réagir à Ludivine, toi qui nous avais dit en début d'émission quel kiffait faire l'amour pendant les règles. Alors, toi t'aimes bien, t'aimes pas, comment ça se passe? Bon, en fait, moi, c'est ça, moi j'aime pas parce que j'ai déjà fait, en fait, j'étais avec mon copain, en fait, et puis ensuite, ça s'est accéléré, et en même temps, j'avais mes règles, tout ça, donc j'ai prévenu. Et puis, il m'a fait qu'il avait déjà fait avec une autre et qu'il aimerait bien essayer avec moi. Donc après, on l'a fait et tout ça, et moi, spécialement, j'étais vraiment, vraiment dégoûtée. Et lui, comme par hasard, ça l'a plu, je sais pas pourquoi, il m'a pas dit, et puis ensuite... Par la suite, eh ben, il m'avait demandé de le refaire. Il m'avait même dit qu'il préférait le faire pendant que j'avais mes règles. Mm-hmm. Et toi, t'aimes pas, par contre? Ah non, moi, j'ai détesté. Pourquoi t'aimes pas? Bah, c'est seulement, je sais pas trop, c'est pas hygiénique. C'est en plus, psychologique, c'est dans la tête, hein. Ah, mais... Non, c'est crado et c'est dans la chatte. Oui, non, mais je veux dire, les filles qui passent au-dessus arrivent à prendre du plaisir, mais elle peut pas prendre du plaisir si elle passe pas le cap. Ouais, bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est psychologique. Et tu dis quoi, toi, ton mec, alors tu lui fais, pour lui faire plaisir, tu fais dans le truc dans le sens inverse? Ah, pourquoi il aime, lui, hein? Ouais, pourquoi il aime? Tu lui avais posé la question, déjà. Qu'il aime se vider les couilles, c'est tout. J'ai déjà demandé tout ça, mais en fait, il m'a fait, je sais pas, c'est autrement, et je préfère comme ça, nanana. Faudrait qu'on le fasse plus souvent, et moi, j'étais d'accord, j'étais pas pour et tout ça, donc... En même temps, plus souvent, c'est qu'une fois par mois, hein, il a pas trop le choix. Voilà. Ensuite, on s'est séparés à cause de ça aussi, parce qu'on n'était pas fait discuter à propos de ça. Hein. Ah bon, bah, à mon avis, tu t'es séparé aussi à cause du taux de téléphone. Hein. Oh là là, oh là. Je pense qu'il est malade. Ah ouais, là, il a c'est problème. Ça où t'es en Irak, là. Oui. Est-ce que des gens sont en train de se tirer dessus derrière toi ou pas? Non. Non, alors, en fait, c'est ton téléphone qui pourrit. Le téléphone bug, en fait. C'est ça. Ah oui, je te confirme. Bah, il est malade. Ah voilà, ça a mieux. Tu disais, Lina, donc? J'étais en train de dire qu'on s'est séparé à cause de ça parce qu'on n'arrêtait pas de se prendre la tête. Mmh. Et que spécialement les autres fois où j'avais envie moi, ben il voulait pas parce qu'en fait pendant les trois autres semaines il avait pas envie de te faire l'amour, il attendait que t'étais règle. En fait il avait quatre meufs sur le mois quoi, mais le problème c'est qu'il faut les choisir au moment. Puis pour peu qu'elle ait un peu de retard, qu'elle soit décalée, c'est mort. Ah bah ça fout tout en l'air, hein. Ça fout tout le monde en l'air, tu m'étonnes. D'accord, donc toi t'as dit ça. Bah tu vois Ludivine, tu devrais tomber sur son mec. Ouais, non, mais j'aime bien mon mec quand même. Hein. Oui, bah j'espère bien, ouais. Mais tu sais, le mec il surkiffe. Tu devrais tomber sur un mec comme ça en fait. C'est ça qui te manque. Je crois pas qu'il y en a beaucoup des mecs qui surkiffent. Ouais, c'est vrai. Tu sais, il y en a qui doivent accepter de le faire ou qui doivent, voilà, ça doit leur rester. Ça doit être en plus. Pour son propre plaisir quand même, il pourrait accepter de le faire, non? Essayez, ouais, il devrait. Non! Voilà, essayez au moins. Non, prends-lui la tête. Parce que moi, je fais quand même des efforts avec lui. Franchement, t'as des trucs. Coupe-lui les vivres. Mais arrête un peu. Non, mais t'as des trucs comme ça. Après, là, c'est de la pénétration, effectivement. Bon, il y a du sang, mais tu dis, il devrait essayer pour me faire plaisir. Moi, je m'excuse, mais je peux surkiffer ma meuf. Il y a des trucs, c'est pas possible, quoi. Non, mais si t'as jamais essayé, il faut essayer. Non. Et moi, je suis sûr que... C'est nul, alors. Si tu n'as jamais essayé, tu ne peux pas dire, je ne l'aime pas, je pourrais jamais... Tu veux faire. C'est comme si tu demandais à une nana, si moi, une fais la... C'est un autre truc. Mais vous aimez bien sortir ça, Sandro. Pour la sodomie. Non, pas la sodomie. Un doigt dans le cul. Oui, il faut essayer, ou t'as un point sensible dans le cul. Toi, je te demande. Mais moi ça ne m'intéresse pas et mon mec non plus. Voilà. Bah la question c'est ce que je te dis. Mais si. Bah, si ton mec il aimerait t'en mettre un, tu vas bloquer. Ah je vais bloquer oui. Ah voilà. Et puis on va le faire kiffer. Non mais il va me saouler et peut-être que je céderai. Mais non. Non mais par contre moi je suis sûr qu'elle elle tu sais pendant la période des règles et que lui dit non moi je te baisse pas, toi tu le suces pour lui faire plaisir. Bah oui. Eh ben voilà. Tu lui dis non, tant que tu me baisses pas, je te suce pas. Mais tu arrêtez vas voir. Un peu, franchement. Tu vas voir s'il va pas te déglinguer au bout de deux jours. C'est une forme de chantage. Oui, voilà. Dit que c'était non, interdit. Je suis désolé. Non. Franchement, moi, je reviens. T'as peur que ça t'arrive, ça? Non, c'est pas ça. Mais juste, enfin, tu vois, t'as des trucs, tu peux faire. Bon, allez, ok, peut-être, pourquoi ouais, pas choses, essayer. Ouais. Après, je m'excuse, mais si la meuf, elle te met un lampadaire dans le cul, non, ou même un gun, pour parler d'un truc plus, Ouais, parce qu'un lampadaire, ça fait gros, quand même. Bon, même un stylo, voilà. Oui, mais quitte à ne rien voir, autant qu'elle lui prenne la tête. Ah, non, moi, je suis d'accord avec Sandro. Attends. Nombre de meufs à qui j'ai pris la tête pour les enculer, au final, je l'ai réussi. Bon, ouais, bon, enfin, c'est un peu tout le monde sans pénétration pour autant. Bon, Lina et Alex, merci à vous de d'être passés en tout cas. Vous allez retourner au standard tous les deux, même tous les trois. On va vous filer des places de ciné. Je peux juste faire une dédicace, pardon. Vas-y, Lina. J'ai un gros bisou à ma grande soeur que j'aime trop fort. Elle s'appelle Doris et je l'aime. D'accord, voilà. Ben, le message est passé. Salut Lina, salut Ludivine, gros bisous Alex. Et je fais donc au standard, on va vous filer vos places de ciné. Bon, monsieur X, qui a débarqué justement, hein. Ah là, allez, on se mettra encore un son de Nirvana dans quelques instants. Faisons peut-être un petit test pour être sûr. Hein. Oui, ça a marché. Oui, ça a l'air de marcher, très bien. Oui, ça fonctionne bien. Bon, monsieur X, je suis étonné que vous soyez là. Oui, je suis venu, mais c'est parce que je suis pas venu seul ce soir. Je voulais montrer à ma chère étendre comment ce studio est beau. J'aime travailler dans cet endroit. Ah oui, d'accord, ok. Je ne présente pas d'amis. Au plus fort, madame X, parce que sinon on vous entend mal. Ah voilà, très bien. Voilà, par contre, c'est compliqué parce que vous avez la même voix au final, mais on va essayer de se débrouiller. C'est pour ça qu'on se complète, hein. Mais non, on est bien assortis. Ah non, très bien. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Bon, monsieur X, bon alors quoi? Non, en fait, je suis venu surtout parce que. Par contre, vous n'êtes pas assorti avec sa tête. Votre sale gueule ne va pas avec le reste, si vous me permettez. C'est pour ça qu'elle m'aime. Ah oui, d'avoir une bonne moyenne au final. Ah, ça fait une bonne moyenne, oui, c'est vrai. Bon, bref, alors, monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Je suis née donc parce que, bon, c'est elle a fait de moi, cet homme parfait sexuellement, c'est parce que je suis coachée en sexualité, hein. Et donc, ah, votre femme est coach en sexualité. Oui, ma femme est coach en sexualité. C'est trop facile. Tu n'as pas donné aux gens, enfin, tu n'as pas donné envie aux gens de faire appel à ta femme. Hein. Oui, si vous voulez voir, elle a écrit un très joli livre qui s'appelle 267 conseils pour devenir le meilleur coup de sa vie. Donc, ah ouais. Voilà. D'accord. Oui, c'est sans parler de vous, bien sûr. J'ai tout testé. Hein. C'est à moi qu'elle doit tout son livre. C'est mes talons, en fait. Voilà, c'est ça. Ah, c'est votre talon, c'est ça. Les talons. Je suis sur les talons. Surtout, vous êtes son rat de laboratoire. Voilà, ouais, c'est ça. Non, son rat. Tout simple. Son crapaud. Voilà. Donc forcément, une fois qu'on a lu ce livre, on devient bon sexuellement, on devient presque aussi bon que moi. Bon, bien sûr, moi, j'ai l'avantage d'avoir tout testé avant, donc je suis bien meilleure, mais c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est ça, ça doit être pas mal, oui. Bon, alors, donc, juste pour vous faire un résumé, donc, dans son livre, hein, elle explique donc, que l'important, c'est le toucher et les caresses, hein, parce qu'on oublie souvent qu'il ne faut pas juste passer à l'acte, mais qu'il faut aussi caresser la femme en tout point. Donc, je rajouterai quand même qu'un petit doigt de temps en temps, c'est toujours bien. Hein. Oui, voire deux. Ah, oui, d'accord, madame. Ok. Oui. Madame est connaisseuse. Quand on se complète. Oui, ça doit être ça, oui. On sent que tu reprends les phrases du livre. Hein. Ouais. Ah, parce que ce ne sont pas tes mots. Hein. Oui, parce que le livre, c'est beaucoup plus gore. C'était mes mots. Hein. Le doigt, oui, mais pas le reste. Ah non, avant, je reprenais ces phrases. Hein. Oui, non. Bon, sinon, je voulais qu'elle vous explique, bien sûr, le massage hein, des lèvres, hein, pour qu'elle nous explique comment on fait passer des messages par les... Pardon, message par massage, le message par les lèvres. Mais les lèvres, les lèvres de la bouche. Ah, je sais pas celle qui va vous expliquer. D'accord. Alors, madame X. Donc, je crois que tu parles des différents types de baisers, en fait. C'est ça. Donc en fait, c'est encore un des termes qui est un peu générique, c'est-à-dire qu'on dit on embrasse, mais au final, il y a plein de façons d'embrasser. Il y a le... Alors, parlez plus près, madame X, de votre micro, il y a un petit peu moins vite. Ok, donc je disais qu'il y a plusieurs façons d'embrasser. Ouais. On peut faire le petit smack comme ça, qui n'engage à rien vite fait. Il y a le baiser beaucoup plus profond, il y a aussi plein de types de baisers beaucoup plus langoureux, avec la langue, sans la langue, en jouant sur les pressions, en fait, il y a... utilisation de la langue, on peut vraiment... c'est vraiment un préliminaire en fait, c'est-à-dire qu'on peut montrer l'intensité du désir. Juste d'accord. Avec un baiser, on peut déclencher vraiment plein d'excitation chez une femme. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et que les hommes ont tendance à... Chez les hommes aussi d'ailleurs. Ouais. Alors ça c'est marrant parce que j'aurais pas mis un centime sur le fait que ce soit vraiment votre femme. Ah ben bah attendez, on va y arriver. Ah bon. Là, je voulais qu'on parle d'autre chose, c'est les massages. C'est pour quelqu'un de proche de moi... une connaissance hein, qui a massé une fille pendant des heures et des heures, et qu'est-ce qu'elle attendait une fois à la fin du massage? Alors en fait, tout dépend à quel point ton ami est doué, parce qu'il est très très bon, c'est le meilleur masseur de la Terre. Bah, alors s'il est très très bon, normalement elle était à poil, c'est bon. Elle était à poil. Hein. C'est bien ça, elle était à poil, et malheureusement il est parti. Est-ce qu'il aurait dû rester? Oui, il est con, tu peux dire. Non, parce que par exemple, s'il l'a massé pendant plusieurs heures pour finalement partir quand elle était à poil, il y a un gros problème. Voilà, c'est tout ce que on parle de Mickaël. On hein. parle de Mickaël qui est là. Hein. Oui, je ne suis pas gay. Hein. Ah non, je te jure que je ne suis pas gay. Hein. Ou alors je ne le sais pas encore, mais je ne crois pas, non. Je suis sûr que non. Il faut que tu essaies pour savoir. Ah oui, non plus, surtout pas. Non. Par contre, sinon, il y a d'autres choses hein, qui plairont énormément à cette connaissance dont je ne citerai toujours pas le nom, qui consiste à masser les pieds après la douche. Quelle horreur. Ah ça, ouais, faut aimer les pieds, quoi. Ah, je supporte pas ça. Et après, c'est vraiment selon les femmes, il faut arriver à savoir quelles sont les zones érogènes. Et il y a des femmes qui ont vraiment les pieds en zone érogène, donc ça peut être utile pour conserver quelques gonfles, mais pas dégueulasse. Oui, oui, oui. C'est pas dégueulasse. D'accord, ok. Bon, alors, sélectionnez encore 2-3 questions, monsieur X. Pendant ce temps-là, on se met la pub, on revient avec le question pour une réponse également. Si vous voulez vous inscrire, 612, débutez votre message par énergie, puis QPR, ou alors mikael.fr. Nouveau son de Christina Aguilera à l'instant, Not Myself Tonight, sur Énergie, avec le question pour une réponse que nous ferons dans quelques instants. On ira également faire un tour du côté du Polo Show, encore un son Nirvana qu'on se mettra. Et puis, retour de Monsieur X avec sa compagne X, justement, toujours là. Toujours là pour vous vendre son très joli livre. De Madame X, donc. De Madame X. Hein, donc, il s'appelle 267 conseils pour devenir le meilleur coup de sa vie. Très bien. Oui, pour devenir moi, en fait. Hein. Oui, t'en flamme pas, t'en flamme pas. Je vous explique comment elle m'avait expliqué la première fois pour faire un bon cuni, ce qui m'a permis de la faire grimper au rideau tout de suite après. Oui, oh là là là là. Donc, je vais la laisser expliquer, hein, parce que bon, elle est bien meilleure que moi pour ça. donc je vous donnais un petit peu les petits secrets que... Juste un truc, jamais il a fait quoi que ce soit, en vrai. Pardon ? Jamais il a réussi à faire quoi que ce soit, en vrai, sexuellement. C'est un bouffon. Je suis le meilleur coup de ça. Il m'a pas mal payé avant de venir à l'émission. Ah bon, ben voilà, c'est ce que je me disais aussi. Très bien, parfait. Continuez alors. Comment elle a même pas assumé, t'as vu ? Ben c'est normal, attends, t'as vu sa tête de con ? Elle a parlé 5 minutes avec lui, il la lâche pas depuis tout à l'heure. Elle s'est dit ok. Voilà. Pour lui, c'est classé. Bon, madame X, on vous écoute alors. Oui, donc on parlait du cul. Oui. Donc moi, ce que j'explique à la clinique, c'est que un bon cul, c'est comme un restaurant. Faut pas se contenter du plat principal. En général, honnêtement, les trois quarts des mecs, un cul, ils mettent trois secondes de la langue, haut, bas, droite, gauche, c'est parfait. Ah bah c'est ça, hein. Donc, le plus rapidement possible. Donc le bon cul, on commence délicatement. On passe sur le clitoris, on passe sur les lèvres, on peut mordiller, on peut lécher, on peut aspirer. Il y a vraiment toute une gamme... une gamme de mouvements qu'on fait après en sentant l'excitation, et c'est ça qui va faire la différence. Il ne faut surtout pas faire quelque chose de mécanique. D'accord. Si on prend le même kiné qu'on refait sur toutes les nanas, ça va être une catastrophe. Il faut vraiment adapter selon les réactions de chaque fille. D'accord, ok, donc il faut adapter, donc ce sera le mot qu'on retiendra, donc, hein. Très bien. Faut penser à la fellation, c'est la même chose, hein, comment vous aimeriez que ce soit fait, ben c'est pareil. Ah oui, bah c'est sûr, ouais. Bon, monsieur X. Oui, sinon elle m'a appris quelque chose aussi, c'est que les aliments aident à parfumer la chatte, hein. Donc, c'est comme pour le sperme, hein, c'est vrai, en fait. C'est-à-dire? Explique, c'est-à-dire si tu manges une banane? Oui, si vous voulez avoir un petit goût sucré, il est conseillé de manger de l'ananas, du melon, du kiwi ou des framboises. D'accord. Et si vous voulez avoir T'as une bonne chatte, mais t'as un gros cul, par contre. Ah, c'est ça. Et par contre, si vous voulez, par contre, un petit goût plus salé ou plus acre, pensez à des fruits de mer, des légumes, ou alors de l'alcool. Ah, de l'alcool. C'est exactement pour ça que les mecs qui boivent beaucoup de bière ont un sperme qui est vraiment très salé, à savoir. Ah ouais, d'accord. Ah, donc ça, c'est ça le goût du sperme du roux, alors. Exactement. Ah, tu connais. T'as bouffé mon sperme, toi. Ben non, j'ai dit alors. Non, mais vous êtes demeuré ou quoi? Non, mais attends, comment c'est ça que j'ai un sperme salé? Ben non, je. Non, parce qu'il a l'alcool, c'est un goût acré. Voilà, d'où je dis, enfin, c'est donc ça le. Tu lèves pas mes culottes? Enfin, il y a un problème ou quoi? Tu kiffes ou quoi? Tu te branles en pensant à ça? Eh, sale con, tu mets des culottes. ouais. Espèce de bouffon. En dentelle. Tu mets des culottes. Quelle horreur. Ah bah je vais t'en acheter des petits bateaux. Bon, monsieur X. Et donc, vous en parliez tout à l'heure, je vous entendais parler de comment bien amener une bonne sodomie. Oui. Et là aussi, elle a toujours su m'expliquer comment bien parler de la sodomie et comment bien amener une sodomie. Hein. Le mieux, c'est qu'elle l'explique elle-même. Donc écoute, donc il y a plusieurs écoles, hein. Il y a plusieurs écoles. Ah oui, bah oui. Exactement. Non, on peut la jouer diplomate, c'est-à-dire vraiment discuter avant, ça c'est le gentil garçon, on discute, on se met d'accord, on essaie d'y aller doucement. Oui, pardon, c'est moi. Après, il y a pendant l'acte, on glisse à l'oreille pendant qu'elle est bien excitée, c'est-à-dire que je vais la mettre un peu plus haut. D'accord. Ah, ça c'est qui tout double? Ouais, mais il y a plus de chances de réussir quand elle est un peu chaude qu'à froid, ouais. Au petit-déj, ouais, c'est ça. Tu veux que je te remette un petit peu plus profondément, là? De quoi tu me parles? Après ton Nesquik, ça te dit? Tu vas voir, c'est pas beaucoup différent. Hein. Et le dernier, c'est le... Oh, j'ai glissé. Et ça, c'est très utilisé. Et pareil, c'est qui tout double, ça peut marcher ou pas? Ah, ça se fait pas, ça. Oh, j'ai glissé. Ah, putain. Ça se fait pas, ça. Franchement, moi, si une meuf qui glisse, je lui mets une patate. Ça sort vraiment complètement et... Non, si, c'est possible, ça arrive. Non, mais ça bloque. Douée, quoi, mais... Ça bloque ou alors elle est très large et ça rentre direct, mais... Ouais, il faut qu'elle soit large, même alors. Si ça rentre direct, c'est qu'elle avait déjà l'habitude avant. Ouais, voilà. Ok. Bon, et monsieur X, il s'agit de ne pas raconter votre vie non plus, parce que vous savez que ça coûte cher du temps d'antenne sur l'énergie en temps normal. Sinon, l'important aussi pendant le sexe anal, c'est toujours stimuler le clitoris, hein, sinon après, ça l'excite moins. Afin d'humidifier le tout. Bien sûr. Ouais. Bon, sinon, moi, je voulais juste terminer, hein, parce qu'elle m'a appris des mots aussi. Alors, au début, elle espérait que je deviendrais gentille. Hein. Elle m'avait appris des choses. Tu me fais bander, tu m'excites. Ouais, t'as pas l'intonation, quand même. Non, tout ça, avec cela, je mets pas l'intonation. Tu aimes ça, tu la sens bien, ou alors, prends-la bien profond, goulue. À qui est-ce que tu espères que je vais dire goulue? Tu veux bien le dire? Ouais. Alors que moi, j'avais des mots tout de suite beaucoup plus doux, hein. Je vais te défoncer, j'adore ton cul salope. Oh, mais c'est vulgaire. Mais c'est plus dans le contexte. Il y a des filles qui aiment la vulgarité. Tu es ma petite pute, je vais te prendre comme tu le mérites. sans payer. T'aimes ça, ma petite catin, je vais te péter le cul. Oh. Moi, c'est une chaîne. Bon, ça ira, monsieur, c'est bon. Parfait, c'était parfait. Oui, oui, oui, oui, c'était génial. Allez, au revoir, monsieur. Oh. La dernière goutte. Oh, non. Ah, c'est horrible. Et je vais te déchirer la rondelle. Ouais, c'était génial. Allez, oui, c'est ça. Au revoir, monsieur X, merci à vous. Hein. Merci, ma chérie. Merci à vous, monsieur, madame X. Hein, Et sinon, on peut, y a des, pour ceux qui veulent, il y a des livres à envoyer. Des livres à envoyer, donc c'est-à-dire que les gens doivent l'envoyer. Non, allez, on peut envoyer des livres aux gens. Ah oui, donc à gagner, quoi. Voilà, voilà, d'accord, ok. C'est des mots simples parfois, si tu prends. C'est quoi le titre du livre? Tellement à détour. Oui, mais il fait pas de la radio. Pour devenir le meilleur coup de scène. Il y a un éditeur déjà ou... C'est sur êtreunboncoup.com. C'est un e-book. Êtreunboncoup.com, d'accord, ok, c'est très bien. Oui, oui, bah c'est ça, oui. Bon, bah très bien. Merci, madame X, à bientôt. Très bien, bon courage avec le Gogol. Et puis, bon, monsieur X, bah quand vous voulez, bah vous allez revenir vendredi dire bonjour, parce que je vois que ça vous fait chier. Ah bah si vous voulez. Sans payer, sans être payé, bien sûr. Ah en plus. Ah oui. Ah bah. Une pute au moins. Non plus. En plus, avec sa dame à côté, c'est beau ça. Une petite. Non. Bon, allez, au revoir, monsieur X. Avec vos conneries, on n'a pas eu le temps de faire le QPR. On n'a pas le temps de faire mon problème du forum, du jour. Ah, vous avez traîné aussi, vous avez traîné. Bah, on a traîné, ouais, après, c'est ça. C'est ouais. De ma faute. Oui, bah, figurez-vous, oui, justement, c'est le cas. Bon, bah, c'est pas grave, on fera la question pour une réponse demain. Hein. C'est joli. Sinon, je donne la réponse. Non, ça ira, laissez tomber, monsieur X. Au revoir, monsieur X. Allez, on enchaîne directement avec. Avec le polo chaud, hein, on se mettra à Nirvana juste après. Allez, hop, c'est parti. Hej polis, det här är Tefio. Och jag kan säga att ni lyssnar på Polo Show. Och det är en riktigt bra show. Hörrni, ni har en jätteskön vår. Och hoppas att vi ses snart. Hej då! Si ça se trouve, elle a dit que j'étais moche, j'avais une tête de con. C'est du suédois. C'est du suédois, on sait pas. Peut-être, mais ça m'étonnerait. Bienvenue dans le Polo Show, j'espère que tout le monde va bien. On va commencer le Polo Show dans quelques instants. Juste le temps pour nous de passer une page de pub afin de nous rafraîchir le portefeuille. Si vous avez une gueule pas terrible et que vous ne pouvez pas tout miser sur votre physique pour séduire, il y a une application pour ça. Si vous voulez être sûr que la pouffe devant vous sera dans votre lit ce soir, il y a une application pour ça. Et si vous voulez vérifier que ça vaut vraiment la peine de claquer 50€ dans un resto pour une meuf comme elle, il y a une application pour ça. Téléchargez I veut baiser. Uniquement sur l'iPhone. What's up guys, I'm Justin Bieber. Hey, you're listening to the Polo Show. Bisous. Il se trouve que ce week-end, je suis parti voir le comte de Bouderbala. C'est très très drôle. Très drôle. Franchement, le mec m'a fait pisser de rire dessus. Non, j'ai pissé sur son bras en fait. Allez le voir, il est au petit gymnase, c'est juste à côté du grand gymnase. C'est ancien. Au métro Bonne Nouvelle. Allez-y, franchement, c'est vraiment une tuerie monumentale. De quoi ? Et ça pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Pouette. Pouette cacahuète. Allez, on commence le polo show. Qui est là ? Elisabeth. Coucou Polo. Je vais tuer Micha. Salut. Il est guignol. Elisabeth, et tu veux. Et joyeuse Pâques pour vous. Elisabeth, j'ai un cadeau pour toi. Oh ! Oui. Si je crie pas. Écoute, Elisabeth, c'est pour toi. Attends, t'es prête ? Ouais. Voilà, cadeau, qu'est-ce que tu veux ? Bon, alors moi, là, c'est pour moi maintenant, je vais commencer à faire animatrice sur énergie. Eh oui, c'est Micha qui me l'a dit, il m'a embossé. Eh oui, alors voilà maintenant ce que je vais faire. Embroché, il t'a embroché. Voilà. Bon, il t'a embauché, Micha t'a embauché pour faire quoi ? Bah, il faut dire au secours pour nos amis les poux. Et oui, on parle pas assez souvent des poux. Et oui, les poux, c'est des petites bêtes qui nous aiment. Et oui, alors donc, ils sont tellement excités. Elisabeth, oui. Elisabeth, je suis obligée de crier parce que tu... En fait, les poux, c'est pas du tout des petites bêtes qui t'aiment. En fait, c'est des espèces, c'est des parasites qui viennent sur ta tête parce qu'ils ont... Ils viennent squatter. En fait, c'est des squatteurs. Mais non. Il faut les tuer, il faut tuer les poux. Mais non, si. Il faut pas les tuer. Parce que si jamais on les tue, après, il y aura plus ces, y aura plus ces parasites. Tant mieux. Tu vois. Et donc, voici, il faut se gratter la tête. Les fous, ils adorent ça. Il faut les respecter. Mais non, parce que mais non, mais Elisabeth, Elisabeth, arrête. Elisabeth, oui, Elisabeth, oui. Oh, oh. Déjà, la dernière fois, là, tu nous as fait ton truc pornographique, là, où tu t'es mis le téléphone dans la chatte, ou je sais pas quoi, là. Oui. Et là, tu viens me parler des poux, là. Elisabeth, ça suffit. Ça suffit. Attends, oui, mais... Il y a un moment donné, je dis stop, voilà. Non, mais il faut pas si, dire si, stop. Si, je viens de te le dire. Ah oui, par contre, attends, ouais, parce que moi, j'ai la fondation protectrice des poux. Ah bah oui. Et oui, il faut verser également des dons. Non, mais Elisabeth, ça suffit, dégage. Elisabeth, Elisabeth, non. Va-t'en. Non, Polo, Polo. Va-t'en, Elisabeth, Polo, fuis. Polo, non, parce qu'en plus de ça, j'ai plein de cadeaux pour toi. Ah, bah c'est génial. Bah tu vas les garder. Non. Ou tu vas non, les donner non, à ton association non, pour défendre non, les poux. Non, non. Vous voulez quelque chose? Non. Tu veux quelque chose? Je veux rien du tout, surtout non, toi. Non, si, il faut surtout voter cette semaine bon. Pour Michael Vendetta. Et oui, Michael Vendetta, c'est un petit peu le poil de carotte à la ferme. Ah là, et c'est oui, ça, exactement, c'est le et poil oui, de carotte. Ça et ne veut et... rien dire, mais bon. Elisabeth! Non, mais tu sais qu'il a... Casse-toi, elle m'a saoulé, Elisabeth. Qui est là? Allô? Oui? Ouais, c'est Jean-Louis. J'en ai marre. Qu'est-ce que tu veux? Non, Jean-Louis, j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Il en a marre, là. J'étais à la ville, là. Ouais. Hein, il y en avait encore partout, là. Là, ils sont partout, là, j'en ai marre. Hein? Mais ça qui... sert à quoi de voter? Ça sert à quoi de voter si c'est pour faire ça? Tu parles de qui, Mais j'en ai marre, ils sont partout. Mais là, qui est partout? Arrête de me gonfler. Ah, bien compris, là. Ils sont partout, là. Allez, non, j'ai hein, pas compris. Ah, non, non, on a marre, là. J'en ai marre. Bon, d'accord. Marre. Ok. Bah, très bien. Hein? Ok. Ça sert à quoi alors? Je ça, sais là, pas, je, si tu t'exprimes pas avec des mots. Si j'ai voté. T'es là en train de me faire. Faut voter. Oui, faut voter. Bah, va voter. Ouais, on en a marre des gens comme ça, quoi, on en veut pas. Bah, c'est très c'est bien. C'est compliqué quand même. Non, ils mais. Comprennent pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils comprennent pas. Ils comprennent pas quoi? Qui tu veux faire comprendre pas? On en a marre. Mais qui? Tu parles de non, qui? On en a marre, on en a marre, on en a marre. Ok, bon, on va y aller nous. Hein ouais, on va te laisser ouais, dans ton énervement. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Bon, on va y aller. Ouais. Allez, salut. Ouais. Bon, allez, casse-toi. Est-ce qu'on peut avoir le jingle de fin, s'il vous plaît? Merci. Garde patience. Garde patience. Le Polo Show va bientôt se terminer. Bravo, Polo. H-5 secondes. Bravo. C'était génial. Je me donne un peu de baume au cœur. Qui est là pour terminer le Polo Show? Oui, monsieur. Je t'écoute. Polo. Ouais. Putain, je suis trop content de mon week-end. Ah bah ça c'est bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce week-end? Eh ben, j'ai fourré. T'as fourré quoi? J'ai trouvé une nouvelle fiancée. Ah, ça c'est bien. Tu l'as trouvé où? Eh ben, je l'ai trouvé dans ton cul. Ah. Eh ben non, je l'ai... Eh, Sandra, elle est là? Ouais, mais finis une histoire, parce qu'en fait, tu te lances dans 20 000 choses à la fois, et on n'arrive pas... Bon, alors, tu l'as trouvé où, cette fiancée? Eh ben, j'ai trouvé chez Sandra. Ah, d'accord. Et tu l'as fourré? Et parce que ma nouvelle fiancée, c'est Vatata. Oui, mais personne ne sait qui est Vatata. Eh ben, Vatata, Parce que c'est... Ouais, mais attends, laisse-moi parler. Parce que c'est bien de parler de Vatata, mais personne ne sait qui c'est. Vatata, c'est qui? Bah, c'est la fille que je prends en levrette. Non, mais c'est qui, Vatata? Vatata, c'est ma nouvelle chérie. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a à voir avec Sandra? Eh ben, c'est la sœur de Sandra. Je crois que c'était sa vieille tante. Non, c'est pas sa vieille tante, c'est sa sœur. D'accord. Alors, de temps en temps, quand même. Donc, serait l'oncle. Non, c'est pas l'oncle. Et bah, comme elle se ressemble de temps en temps. Le beau-frère. Ah non. Monsieur, vous laissez parler ou pas? Attends, monsieur, tu serais le beau-frère de Sandra. Je suis le beau-frère de Sandra et de temps en temps, quand ma tata elle travaille, je fourre Sandra. Ah ben comme dans tout. Comme dans tout couple de la France profonde, hein. On vient pas du nord de la France, moi, cher. Oh. C'est Batata. Ouais, alors... Pour bien. Pour bien me resituer. Juste un truc, c'est Batata, Vatata ou Vasanta? C'est Zavata. Zavata. Polo. Ouais. C'est Vatata. Vatata. Et je peux même dire un truc, que Vatata, et ben Sandra, tu ferais bien de la regarder en ce moment parce que tu vois, elle a un visage qui est bien, qui est frais. D'accord. Alors ça, ça veut dire qu'elle a pas de boutons sur la gueule comme toi. Oh, ça, c'est pas sympa. Je suis en train... Oh, ta gueule. Pas les boutons, calme-toi. Hein. Et toi, tu te calmes. J'ai vu une photo avec un pantalon qui monte jusqu'au... Hein. Ouais, et bah toi, quand t'as dit... je pense que quand t'as quelque chose à dire en face, tu viens me dire en face, je le dis pas en brusé. Non, mais moi, j'aimerais bien te le dire en face, mais sauf que si tu me dis pas, c'est quel est l'histoire, quel est le fond de l'histoire, moi, je peux pas te le dire. Le fond de l'histoire, il est tel que... Et je veux les noms des personnes, et je veux une confrontation avec la personne, puisque je dis des choses, apparemment. Bon, y a pas toi qui dis des choses, hein. Mais ramène la personne, ça serait bien qu'on fasse une confrontation. Il n'y a pas que toi qui dis des choses. Mais moi, j'ai pas peur, tu vois ce que je veux dire? Mais allons-y! Il est là, Jack? Il n'est pas là, Jack. Bah oui, c'est vrai, c'est le jour CGT. Il est là, le pervers? Non, il n'est pas là. Et oui, il est là, Roux? Bah non, il dégueule sur d'autres. Elle est là, Sadra? Elle est là, Sadra. Elle est passive. Il est là, Ikaël? Et Ikaël? Ikaël? Mais il n'est pas là. Sadra? Sadra? Qu'est-ce que tu veux, monsieur? Ah, t'es là, la petite. Qu'est-ce que tu veux? Sadra? Elle est vraiment bien, ma tata. Tu la laisses tranquille. Parce que je peux te dire elle que... Elle sort pas avec des gens. Allez, on va y aller, c'est bon, merci pour tout ça. Allez, on y va, allez, ça chauffe le polo chaud. Merci à ceux qui l'ont écouté, merci surtout à ceux qui n'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, je suis le dernier. Ça, c'est beau, et bravo. Et ça, c'est beau, et bravo. Et bravo, bravo. Allez, on se retrouve demain soir, 21h, avec peut-être du hachis parmentier. Ah, s'il nous en ramène un petit peu. Ouais. Ah, ben on espère que Jack nous en ramènera un petit peu du hachis parmentier, puisqu'il n'était pas la soirée cuisinée, donc ce soir. Tous les lundis, pour des cours de cuisine. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça. Bon, on revient demain, donc à partir de 21h. Passez une bonne nuit, tout le monde. Et puis, on va se quitter avec un petit son de Nirvana, comme je vous l'avais promis. Demain, j'irai chercher ceux que vous m'avez proposés, parce qu'il y en a quelques-uns que vous m'avez proposés que j'ai pas forcément là sur mon ordi, il faut que j'aille chercher sur les CD. Donc, en attendant, on va se quitter avec le morceau de Nirvana que je préfère. C'est Sapi maintenant. Allez, à demain 21h. Ciao. 21h minuit sur Énergie et sur MIKL.